17h à Montréal, en direct de la brasserie Helm sur la rue Bernard. J'ai l'immense bonheur, l'immense honneur, l'immense privilège ce soir d'être entouré de Jean-Sébastien Girard. Allô! Olivier Niquet. C'est moi. Fred Savard. Bonsoir! Et de notre merveilleux public qui trouve que la soirée est encore... Quel beau dimanche en votre compagnie. Mais si on vous offre une émission, encore une fois, extraordinaire, mais surtout gratuitement dans vos oreilles. Mais enfin. Avec vos taxes. On a ce soir un menu fabuleux. On a Béatrice Picard en première heure. Quel bonheur de la recevoir. Oui. Oui. Et on la reçoit entre 25 engagements qu'elle a. Donc, elle a une heure. On va se dépêcher parce qu'elle est très occupée, beaucoup plus occupée que nous, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Franchement, nous, après ça, on s'en va souper, mais c'est comme ça. on reçoit également notre chroniqueur politique, Mathieu Charlebois. Oui. On va avoir en fin d'émission Anaïs Favron qui va venir nous parler aussi de ces 66 projets. Ben oui. Et on va débattre un petit peu plus tard dans l'émission. On va avoir la besace. Et vous racontez l'histoire de quoi, Fred, cette semaine? L'histoire de Brian Mulroney. Oh mon Dieu! Ben, écoutez, c'est une saison de 41 semaines. Fait qu'il va y avoir des plus petites semaines. Juste rester, paraît que c'est bien bon quand même. Vous avez passé des beaux samedis soirs, monsieur Fred? Ah, correct. Moi, j'ai regardé un film, Capote. Ah oui, donc j'ai jamais vu Capote. Truman Capote? Oui, j'avais compris. Oui, ouais, c'est ça. Que j'ai pris par hasard, oui, boy. Alors, Il y a un serveur qui s'est planté avec les assiettes. Ben, il est tout en vite lui-même. Ah oui? Il a chuté. Oui, écoutez, j'avais lu De sang froid, qui est un grand, grand roman réalité, si on peut dire, parce que c'est quand même... sur la vie de deux meurtriers, en fait. Et le film est un peu... décrit la démarche. C'est un autre film que vous n'avez pas vu. Là. Non, ben, ouais, honnêtement, voilà. J'ai arrêté en plein milieu, parce que j'avais lu le livre. Vous avez arrêté le film? Je pense que je suis en rupture avec le cinéma, finalement. Ah mon Dieu, quelle dure nouvelle. Je lis trop. Ah, ben, j'aime trop les livres. Merci, Fred. Moi, je dors avec des livres, vous saviez. Hein? Pardon? Je dors avec des livres. C'est-à-dire? Je dors. OK, bon, là, c'est fait. Ce sont les seuls qui ont une jacket. OK. Bon. Mon Dieu. Olivier, vous avez fait quoi de votre samedi, vous? Ben, moi, hier soir, je me suis fait voler mes capes de roue. Ben, je sais pas si c'est vrai. Oui, d'un seul côté, en plus. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Oui? Pour vrai. En tout cas, c'est plus symétrique, c'est pas super. Fait que non, il s'est pas passé grand-chose. Donc, je propose d'offrir mon temps d'antenne à François Lambert de l'émission Les Dragons, qui a demandé l'aide du public cette semaine sur Twitter pour retrouver son drone qu'il a perdu dans le coin du Loblaws sur la rue Rachel à Montréal. C'est une cause qui me touche beaucoup. Et visiblement, il y a de la misère à chauffer ça, un drone, le pauvre. Là. Peut-être qu'il avait trop bu de pétru, comme il a dit dans l'émission Un souper presque parfait. En tout cas, si vous voyez un ovni dans le coin de Rosemont ou ailleurs, là, il est peut-être rendu bien, bien loin, appelez pas Denis Lévesque. C'est probablement le drone de notre dragon. Vous pouvez le contacter sur Twitter. Et si vous trouvez mes capes de roue aussi, je suis sur Twitter. Quelle marque la voiture? Golf. Ah, OK, d'accord. Merci, c'est très, très gentil. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi de votre samedi, vous? Une soirée d'enfer, Jean-Philippe. Ah, ça avait l'air le fun. Oui, j'ai été invité dans un shower de bébé. Oh. Pourquoi les gens rient automatiquement? Ben, parce que je pense que les gens détestent ça comme moi. Je pense que généralement, on préfère mourir la gueule ouverte que d'aller dans un shower de bébé. Alors, je vous raconte un peu, grosso modo, ma soirée. J'ai mangé des cupcakes aux couleurs vives. J'ai mis des couches à des poupées. J'ai vu du monde parler à la maman comme si elle avait 15 de quotient intellectuel. J'ai fait semblant d'avoir de l'émotion en flattant la grosse bédaine de la dite maman en disant quand est-ce qu'il s'en vient, ce petit coco-là. Vous êtes sans cœur. Hein? Ah, absolument pas. Non, j'ose dire les choses. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Les maudits cupcakes, on peut-tu en revenir? On s'entend-tu que c'est du mélange de gâteaux dans des moules à muffins? Ouais. Ouais. C'est juste ça, des cupcakes, là. Ouais. OK. On a décidé il y a 10 ans que c'était de bon goût. Ben oui. Bon, en fait, voilà. J'ai fait plein de choses intéressantes comme ça. J'ai surtout calé une bouteille de vino verde, histoire d'être capable de passer au travers cette soirée-là pendant que les gens prenaient des jus de fruits. Lui ludique avec des pailles coquines. Alors, sérieux, Jean-Philippe, je veux profiter de ma tribune ici pour parler aux parents. Je pense qu'on peut vous demander d'arrêter de nous écœurer avec vos Christy Shower. Ça ne nous intéresse pas. On fait semblant d'aimer ça. Ça nous scrape un beau week-end, un samedi d'été. Ça nous oblige à aller à Ville d'Anjou, dans un Toys R Us pour trouver le beau cadeau pour la belle cocotte et la petite puce. Parce qu'on le sait, vous faites des showers pour avoir des cadeaux. Ben oui. Alors, si vous avez pas un trousseau. Ben exactement. Alors, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des pyjamas ou si vous êtes trop cheap pour acheter des pyjamas, n'ayez pas d'enfants et sacrez nos patience. Et les gens qui applaudissent bêtement. Toujours est-il que mon shower, ce sera la semaine prochaine. Ben, je serai pas là. Et vous êtes évidemment invité. Ah, ben, ça me fera plaisir d'y aller. Vous êtes fabuleux. C'est pour quand, le petit coco? Je vous crois plus, Jean-Sébastien. Vous avez un cœur de pierre. Je trouve oui. ça dégueulasse. Olivier, les internets? Oui, vous pouvez vous rendre sur notre site radiotradeunioncanada.ca/la soirée où vous trouverez un formulaire pour assister à l'émission en direct de la microbrasserie Elm au 273 Bernard Ouest à Montréal. Vous trouverez aussi un lien pour la balado-diffusion et pour, vous pourrez réécouter l'émission ou des segments de l'émission grâce à l'audiophile. Ça, c'est, bien le fun. C'est fabuleux hein, parce que ça nous permet de passer par-dessus certains segments qui oui. sont moins intéressants. Exactement. Exactement. Je fais souvent ça quand je réécoute l'émission. On est aussi sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et les gens peuvent nous écrire à lasoirée@radio-canada.ca. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou des questions pour nos invités. Vous pourrez aussi répondre à notre question du jour en utilisant le mot-clic La soirée. Et la question aujourd'hui est la suivante. On sait que mardi, Apple dévoilera une série de nouveaux produits. Oui. Peut-être une montre intelligente et probablement un téléphone de 5,5 pouces. Alors, j'aimerais savoir, allez-vous acheter ce nouveau iPhone qui ne fitera pas dans vos poches? Oui. Allez-vous l'acheter? Ben oui, évidemment. Arrêtez donc, j'ai très, très hâte. Mais vous n'avez pas envie d'une montre qui fait tout, vous? Non. Non. Ah, mon Dieu. Ben, non, juste donner l'heure, c'est suffisant. Ben, quand je l'achèterai, je vous la montrerai. Ben oui. On rappelle aussi aux gens, si possible, de nous envoyer la circulation. La circulation, parce que chez vous, là, si c'est congestionné, vous nous envoyez ça, parce que sincèrement, j'ai pas envie de me taper tous les écrans moniteurs de transport Canada et Québec. Ouais. Et absolument, ça fonctionne bien. Hier, on a eu des gens qui nous ont écrit, donc n'hésitez pas, vous nous écrivez à l'adresse que Olivier vient de nous donner et on va informer les gens. C'est important, des fois. C'est très important. La semaine dernière, il y a eu une traverse de Wapiti. Oui, oui. Et il y a un autobus de touristes qui a dû s'arrêter sur le bord du chemin. Ben, on vient de sauver des vies. Là. Ben voilà. Si ces gens-là n'avaient pas su qu'il y avait des Wapiti, on aurait eu du tatami de Wapiti dans la rue. Bon, ben, mais ça, on veut pas ça. Non, avant de vérifier s'il y a des Wapiti encore, allons rejoindre notre salle de nouvelles portatives. Fred Savard. Oui. La Sophie Thibault de sa génération. En quelque sorte. Réagissant à la grogne suscitée par la mort d'un sans-abri sous les roues d'une voiture de police, le maire Régis Labeaume, hein, à Québec, a dit aux manifestants de se calmer et que Québec n'était pas Ferguson. Oui, oui, on se doit de lui donner raison. À Ferguson, les policiers tirent sur les plus démunis, alors qu'à Québec, ils roulent dessus. Et voilà. Chacun son dada. Ça, c'est très hein? important. Oui. Sinon, il y a Bernard Drinville qui n'a toujours pas annoncé s'il prenait part à la course à la chefferie du Parti québécois, mais il a vraiment plein d'idées. Oui, selon lui, le PQ ne devrait pas hésiter à utiliser les fonds publics pour promouvoir la souveraineté. Il estime qu'un référendum n'est pas souhaitable avant 2023 et que la question ne devrait pas pouvoir être répondue par un oui ou par un non. Ben oui. À ce rythme, on prévoit que l'internement de Bernard devrait survenir avant le référendum de 2023. Pauvre M. Drinville, hein? Ils n'ont toujours pas trouvé la médication. La bonne médication. Non, il manque quelques milligrammes. Mais c'est une affaire de rien. Hein? Ah ouais. Souvent, là. Il est à 5 milligrammes du bonheur. C'est vrai? Oui. Mon Dieu, on lui souhaite. Sinon, nouvel choc alors que des employés d'une résidence pour personnes âgées déclenchent une grève générale illimitée dans la région de Magog. Oui, ça ne pourrait être qu'un avant-goût de ce qui pourrait se produire avec l'austérité du gouvernement libéral dans quelques mois. Il y a une personne âgée qui désire garder l'anonymat affirme qu'elle ne verra pas de différence puisqu'avant la grève, sa couche était déjà pleine anyway. On ne s'occupe pas bien de notre personne âgée, on le sait au Québec. Merci Frédéric. Ouais, voilà. Quel commentaire. Oui. Parlant de ça, il y a l'ex-ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, qui serait pressentie à l'UNESCO. Quel drôle de lien quand même. Ah oui, la nouvelle nous a laissé pantoite, mais il paraît que les libéraux veulent vraiment redonner du service à celle qui fut critiquée par tous les deux étudiants lors du printemps en 2012. Elle pourra reprendre ou elle a laissé et rappeler à tous les enfants pauvres de la Terre qu'une augmentation de 50 sous par jour, ce n'est que la moitié d'un petit café Tim Hortons qui n'ont même pas les moyens de se payer de toute façon. Wow. Ouais. Honte de choc sinon dans le domaine du push-push, alors que Santé Canada interdit les insecticides à base de citronnelle. On a vu ça hein, cette oui, semaine. Oui, la nouvelle a fait sursauter la communauté scientifique, puisque la citronnelle est une substance naturelle qui ne présente aucun danger. Santé Canada refuse d'accorder des entrevues pour expliquer sa décision, mais une chose est certaine, aux prochaines élections fédérales, on ne pourra utiliser que du DEET pour se débarrasser des insectes nuisibles. Wow! C'est un langage crypté. OK, d'accord. Sinon, il y a... C'est là que les gens applaudissent. C'est toujours spécial. Sinon, il y a le ministre Bolduc qui, malgré le caucus libéral, a trouvé le temps de se rendre dans une école de Sainte-Foy pour partager sa recette du bonheur avec 200 élèves. Oui, un vent de fraîcheur. Alors, selon lui, la recette est simple. Il faut avoir un bon emploi, une bonne famille et du plaisir dans la vie. Ah. C'est sa recette du bonheur. Et ceux qui ne sont pas heureux, c'est pas fort fort, finalement. Hein? C'est tellement simple. Franchement. Et ça, c'est pas dans un livre, j'imagine. Non. Non. Voilà. Alors, c'est pas mal plus développé aussi que sa politique sur la protection de la langue française. Oui, mais en même temps, hein, l'anglais n'a jamais tué personne. Il y a le maire de Montréal, Denis Coderre, qui compte s'adresser au Conseil des services essentiels si la baisse des contraventions se poursuit. Oui, selon le maire, les policiers font exprès pour ne plus donner de contraventions avec leurs pantalons de clown. Et comme on le sait, les contraventions sont un service essentiel à Montréal. Bon, oui. Il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a plusieurs niveaux. Vous êtes un humoriste de la relève, Fred. Oui. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler, Frédéric. Oui. La météo. Aïe, aïe, aïe. Oui, on l'a déplacé un peu plus tôt dans l'émission. Oui. C'est important. Ben, c'est important, c'est une émission de service. Et là, deux seules villes qui méritent mes félicitations, Winnipeg et Toronto, il n'y a pas de nuages. Toutes les autres villes, c'est ensoleillé avec des nuages. Bravo, les gens de Winnipeg, ah, franchement. Vraiment, une bonne... oh, oui. On les applaudit. On les applaudit, les gens de Winnipeg. Ils nous écoutent, je le sais qu'ils nous écoutent. Et petite pensée pour les gens de Yellowknife, il fait 5 degrés aujourd'hui. Oh. Mon Dieu. Faudrait se forcer un petit peu là-bas, là. Les gens on bouge, salés. On fait du vent un peu, là. Ça va monter. Mais à quelle heure il est, là? Il est 17h17. Bah, ben, il n'est pas trop tard pour débattre. C'est un thème de débat, ça? Oui, oui, oui. Ah, on dirait une chasse à l'homme. C'est un peu des deux. On cherche l'argument. C'est notre juteux débat hebdomadaire où nous discutons d'un sujet essentiel pour l'avancement de la société. Ah oui. Et cette semaine, un sujet qui a touché profondément l'équipe, c'est le retour en classe depuis quelques jours. Et est-ce bien surprenant, on se pose la question, les devoirs pour ou contre? Oui. Hey, ça, c'est important. Hein? Est-ce qu'on doit forcer les enfants à s'asseoir et se concentrer sur des travaux obligatoires? C'est la question qu'on pose à nos deux débatteurs de ce soir, les deux seuls membres de l'équipe avec des vrais enfants. Tout à fait. Oui. Moi, j'ai un chien. Oui. Alors, enfin. Tu fais ses devoirs. Oui, oui. C'est petit devoir. À l'extérieur. Alors, débat de ce soir, le très autoritaire Frédéric Savard, oui. Qui est pour les devoirs, ben oui. Et le très discret, mais toujours apprécié pour sa discrétion, Olivier Niquette, qui lui est contre. Exact. Je serai le juge de ce débat et je donne la parole au hasard à Fred Savard. Oui, alors je suis content. En même temps, je dis qu'il n'y a pas de débat, là. On va régler ça, Olivier, ça va vous économiser de la salive, vous qui en avez si peu. Je pense que les devoirs sont extrêmement importants pour toutes sortes de raisons, mais principalement parce que les parents, c'est leur façon de garder contact avec le programme et avec ce que leurs enfants étudient à l'école. Si on enlève les devoirs, on ne sera pas au courant du tout de ce que nos enfants font. Et Dieu seul sait qu'on ne peut plus avoir confiance à ce système de l'éducation. Et c'est important que le parent ait un contact comme ça. Et c'est un moment aussi privilégié qu'on peut passer avec nos enfants. On est tellement occupés aujourd'hui. Mais en même temps, je comprends qu'Olivier soit contre ça. Les Grecs ont des problèmes de concentration. Il n'y a même pas encore parlé. Ils ont des problèmes de concentration, alors j'imagine que c'est difficile également, même le soir, de s'attarder un petit peu et de faire les devoirs avec leurs enfants. Et avec le taux d'analphabétisme qu'il y a au Québec, je pense que les parents auraient tendance et même bénéficieraient de faire les devoirs en même temps que leurs enfants, que ce soit en début de première et deuxième année. C'est un petit, c'est du recyclage et ça va les remettre à jour. Wow! Ouais. Olivier? Ben moi, je me suis quand même préparé. Oui, c'est ça que je me disais, parce que là, je suis en train de me dire qu'après, c'est pas... Moi aussi, j'ai des feuilles, je suis préparé. Allez-y. Et pour les devoirs, parce que ça va l'aider à être moins analphabète. Oh. C'est très facile comme argument. Oui, allez-y. Trois principaux arguments contre les devoirs. Premièrement, les devoirs, là, ça crée des inégalités. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai le temps de m'occuper des devoirs de mes enfants, mais une mère monoparentale, toxicomane, là, est-ce qu'elle a le temps, elle? Ou bien Yves Bolduc, là, qui a deux jobs pour joindre les deux bouts, là, y a-t-il le temps de faire les devoirs avec ses flots le soir? Je ne crois pas. Ça crée des inégalités. C'est la spirale de la pauvreté. Avez-vous des vrais arguments, pour vrai? Vous faites juste ça pour la galerie? Frédéric? Les enfants sont pauvres. Merci. Les parents sont pauvres. Les enfants sont pauvres. Les parents ne s'occupent pas de leurs devoirs. Ils s'écœurent de l'école. Ils décrochent. Ils restent pauvres. Là, ils boivent de la Wildcat. Puis, pendant que leurs enfants font leurs devoirs, c'est un cercle vicieux. Deuxièmement, là, les devoirs, c'est fatigant, OK? Parce que moi, ça ne me dérange pas, moi, j'ai un horaire flexible. Mais le parent, là, le payeur de taxes, là, qui fait du 8 à 5, qui reste 2 heures dans le trafic à tous les jours, là, est-ce que ça tente de gosser ses enfants le soir pour faire des devoirs? Je ne penserais pas. Troisième vous, point. Là, vous, ouais, vous travaillez de midi à 14h avec une sieste au milieu, vous pouvez vous faire ça. Est-ce que c'est un débat ou c'est un sketch? Moi, on m'avait convié à un débat et là, c'est un sketch. Là. Non, c'est pas un sketch. Ben non, mais c'est pas des vrais arguments, ça, franchement. Voyons Troisièmement, donc. Les devoirs, ça sert à rien. Il y a des études, une études. Compilation de 50 000 études, c'est pas des jokes, ben ouais. Sur les facteurs d'apprentissage disent que les devoirs, là, c'est négligeable. Ah ça ouais. sert à ça, rien. Ça, c'est des spécialistes en pédagogie qui ont fait ces études-là? Vous pouvez préférer. Est-ce que c'est les mêmes qui ont introduit le futur proche dans la conjugaison de verbes? Parce que moi, mon enfant fait du futur proche. Mais là, c'est quoi du futur proche? Je vais débattre, tu vas débattre, il va débattre. C'est ridicule. Et c'est grâce aux devoirs que mon fils fait à la maison que j'ai pu me rendre compte qu'on a un système d'éducation qui est en train de faire de nos enfants des imbéciles. Et on en a une preuve ce soir, Olivier. Si vous vous foutez de la science, vous êtes plus un peu comme Stéphane Laporte, là, qui hier écrivait, se basait sur une anecdote personnelle que lui, quand il était petit, les devoirs, ça marchait pour lui. Donc, c'est comme les Mais gens qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'il fait fret un matin. Là. Oh, non! Vous n'allez pas m'amalgamer avec les climato-sceptiques, je suis désolé, mais je pense que les parents gagneraient vraiment. Et en même temps, c'est un message qu'on envoie à nos enfants, qu'on s'intéresse à leur cursus scolaire, qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Et les enfants sortent de l'école à 2h20. Malheureusement, le système ne fait pas en sorte qu'on a de l'aide aux devoirs, genre, qui pourrait prolonger le temps d'études des enfants jusqu'à 17h. Et quand ils arrivent à la maison, ils ont fini. Alors, je me dis, au moins... Puis à un moment donné, c'est ça la vie aussi. Il faut emmener du travail à la maison. C'est ça la vie. On est devant une génération. C'est la génération Y qui aime s'amuser, qui a de la difficulté à s'asseoir une demi-heure avec quelque chose qui n'a pas un écran tactile. Et là, on transpose ça sur les devoirs. Moi, je pense que c'est important, les devoirs. Puis je serais très fâché qu'on les abolisse. Peut-être que je déménagerais dans un pays où la culture et l'intelligence est mise de l'avant. Mais si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut... Ah, il y a un gars qui... Il y a un monsieur de Tourette qui s'en va. Mais si vous voulez savoir vraiment ce que votre fils fait, là, vous avez juste à lui demander. Hein? Je pense que les devoirs étaient si hâte que ça. Là. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui veulent... C'est vous écoutez pas, monsieur. C'est un débat très important parce qu'il y a plein de gens, ça interpelle plein de gens. Même dans le public en ce moment, il y a des gens qui veulent dire. Et je pense qu'il était contre les devoirs, Fred. Ouais. Alors, c'est le feeling que j'avais. Alors... Qu'est-ce que vous lui répondriez à ce monsieur-là? Non, mais attends un peu. Là. Ah. Il y a quand même d'autres moyens de s'intéresser aux devoirs, à ce que nos enfants font à l'école. Ah oui. Puis les devoirs, ça peut être remplacé par d'autres choses qui nous rendent intelligents, comme lire un livre. Oui. Ou mais c'est un devoir, sport, ça. Ou si vous voulez que vos enfants soient plus disciplinés, là, vous pouvez leur faire éplucher des carottes. Non, mais c'est pas une question de discipline. Faire la cuisine, non, mais la vaisselle, Olivier, des affaires de main. Oui, mais on peut faire des devoirs et éplucher des carottes en même temps. Mais pas nécessairement en même temps, après l'autre. Ça tourne en rond, j'ai l'impression, messieurs. Non, mais j'ai l'impression vraiment que c'est les parents qui sont comme « Ah, ça me tente pas de m'intéresser à ça, puis je pense que quand j'arrive du travail, ben, je veux que ça soit terminé, puis je veux... » Mais je pense que c'est important parce qu'on suit pas assez le parcours scolaire de nos enfants. Est-ce que c'est parce que votre fils a un petit déficit ou... Pas du tout. Ah, okay, non, mais je posais la question. Il aime pas ça, faire ses devoirs. C'est sûr qu'il aime pas ça. Mais dans vie, il y a des affaires qu'on n'aime pas faire. Moi, vous saviez, le courrier du cœur, j'aime pas ça faire ça dans cette émission-là. Je le fais pareil. C'est un petit segment que Frédéric n'aime pas faire. Alors, vous le ferez pas cette semaine. Non, je sais. Jean-Sébastien, je vous vois écouter ça avec passion depuis tout à l'heure. Oui. Et je veux pas prendre de décision pour eux. Hein? Mais si vous aviez un commentaire à laisser dans tout ce débat, ça serait lequel? De toute façon, ça implique des enfants, alors ça vous intéresse pas. J'ai déjà été un enfant moi-même, Frédéric, et je détestais faire des devoirs, évidemment. Ma mère était professeure, elle était professeure pendant 40 ans, elle était contre les devoirs. C'est vrai? Elle en donnait vraiment au minimum et les parents réclamaient des devoirs, elle était contre les devoirs. Selon elle, de garder captifs des enfants de première, de deuxième année, aussi longtemps durant la journée. Elle dit le soir, ils avaient besoin de fréquenter. Ils sont épuisés cognitivement. Ben oui, à 2 heures pour nous, Frédéric, mais à 2 heures, c'est un enfant de 6 ans, vous le savez. Un enfant, deux heures, c'est un minuit pour un enfant de 2 heures. On n'a pas la même capacité. Évidemment, ce n'est pas notre même 2 heures à nous. Et les enfants ont probablement besoin le soir de fréquenter autre chose, avoir de la place pour un imaginaire, pour être dans leur univers, pour jouer. Mon Dieu! Tu comprends ça. Mais c'est pas des jeux vidéo. Vous savez que c'est extraordinaire parce que cet argumentaire-là est beaucoup plus convaincant que celui d'Olivier depuis 3 minutes. Ouais. La science, non? Non. On va y aller immédiatement. Alors, le public, je vous demande de choisir qui a raison dans ce débat-là. Et vous y allez par applaudissement. Les gens. Oui, mais est-ce que c'est Fred Savard qui a raison? Applaudissez si vous croyez ça. Oh! Yeah! Et si vous croyez que c'est Olivier Niquette qui a raison, applaudissez. Ah. Vous avez des membres de votre famille qui sont venus? Alors, je vais choisir le gagnant, Jean-Sébastien Girard. Merci, Thomas. Merci beaucoup. Merci. C'est une mascarade, ce débat. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, tous ceux qui pensent pas comme nous. Vous écoutez l'émission des airs d'Ariens sur le Radio X Jazz. Kevin Gosselin au microphone. Beaucoup, beaucoup de réactions à notre question du jour. Devrions-nous interdire les vélos à Québec? Nos auditeurs se sont prononcés à 100% contre les vélos, alors je les remercie. On parle ici de Mario, Steve, Sandra, Matt et José. Merci d'avoir participé à la question du jour. Beaucoup de messages de soutien également aux policiers qui ont dû se défendre de l'attaque de cet itinérant qui fonçait sur eux à vélo dans le sens inverse de la circulation. On le sait, la circulation au Québec est à sens unique vers la gauche. C'est tellement facile de s'en prendre aux policiers. Nous n'aimons pas l'autorité au Québec, c'est historique. Que ce soit les Anglais qui sont venus nous éduquer en 1763, que ce soit Maurice Duplessis qui avait une main ferme sur le Québec, que ce soit les policiers aujourd'hui qui risquent leur vie pour protéger les payeurs de taxes, les gens n'en ont que pour les artistes, les pauvres, les bohémiens et Québec solidaire. Oh, et je reçois à l'instant un fax de nos amis du RLQ qui nous annonce qu'une vigile aura lieu ce soir dans la rue où l'agression envers les policiers a été commise afin de les soutenir en ces moments difficiles. Je me mets à leur place et je me dis que c'est comme si on m'avait foncé dessus en vélo parce que je ne faisais que mon travail, c'est-à-dire combattre la pensée unique des médias de gauche qui ont un monopole au pays. D'ailleurs, M. Harper a bien raison de dénoncer l'élite politique. C'est à cause d'eux que les conservateurs sont incapables d'obtenir une majorité au Parlement, même si ces mêmes médias vous font croire le contraire. On va poursuivre en musique pour nous donner un peu de courage. Une pièce de circonstance, on va aller écouter Bill Evans et la pièce Fun Ride sur les ondes du Radio X Jazz de 91,1 blanc. Fred Savant, oui. Je pense que c'est le temps qu'on rentre dans le contenu. Notre première invitée. Cette comédienne est une légende de la comédie québécoise et une grande, grande, grande dame du théâtre. Accueillons Madame Béatrice Picard! Quel bonheur de vous recevoir, Mme Picard. Bien, moi, ça me fait bien plaisir. Et surtout, j'ai écouté là, votre conversation, à savoir pour et contre les devoirs. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Les devoirs, là, c'est la façon aux enfants de se montrer très important par rapport aux parents et aux grands-parents. Parce que moi, j'ai appris, quand on faisait de l'analyse, qu'il y avait un verbe, un sujet, un complément, direct, indirect. Maintenant, ça n'existe plus, ces affaires-là. Et voilà. C'est vrai. Alors, c'est eux qui me font la leçon. Et voilà. Et en me faisant la leçon, ils apprennent. Mais arrêtez donc, on peut encore vous apprendre quelque chose, Mme Picard? Tout le temps. Dieu. Vous savez, je regardais votre emploi du temps et je ne me souviens pas d'avoir reçu à l'émission quelqu'un qui est plus occupé que vous. Je vais y aller rapidement, juste pour donner un aperçu aux gens ici. Vous revenez d'une tournée européenne avec le théâtre Bluff. Vous allez jouer dès le 11 septembre à Peter and Alice, donc, qui est présenté chez Duceppe. Après ça, vous jouez dans les Chroniques de Saint-Léonard, toujours chez Duceppe, de décembre à janvier. Et ensuite, vous allez vous impliquer... Repartir évidemment, en tournée. Avec eux, OK, OK. Ouais. Vous êtes impliqué dans Duceppe sur le CA et dans les comités de lecture. Vous tournez en ce moment un film avec Raymond Bouchard, un film de zombies. Oui. Et... Et évidemment, vous faites la voix de Marge Simpson depuis la nuit. Et j'adore ça! Et là, je me disais, vous savez qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas la moitié de votre âge, qui font la moitié de ce que vous faites, mais qui ont besoin du double de vacances pour ne pas tomber à moitié mort. Est-ce que vous le savez, ça? C'est extraordinaire quand même, non? Ah, bah oui. Quel est votre secret? Dites-moi la vérité. C'est d'aller plus vite que le temps. Ah, mon Dieu! C'est facile! Pas compliqué. Comment alors, on fait ça? Alors, donc, c'est ça, on travaille tout le temps. Il y a une chose, c'est que quand on est très, très occupé, on trouve le temps de faire beaucoup de choses. Moi, s'il y a un moment, une demi-journée où j'ai rien à faire, et je me dis, je vais faire ci, ça, je trouve le temps de ne rien faire. Alors, c'est pour ça que pour être très, très, très actif, il faut avoir beaucoup de choses à faire. Pas nécessairement du travail et des choses qui nous paient, ouais. Mais des choses qui sont agréables. Un film qu'on va regarder, un livre qu'on va lire, de la musique qu'on va écouter. Moi, j'aime ça écouter de la musique, mais je dois vous dire une chose. Quoi? J'aime pas la musique de bruit. Je peux-tu le dire? Ben oui, dites-le, maudite musique de jeune. Ouais. Non, c'est ça? Écoutez, là, vous êtes plus jeune que mes petits-fils, là. Ben, arrête donc. Ça va faire, là. Hein? Ça fait que... Non, mais c'est parce que... Avez-vous déjà été sur un coin de rue puis d'entendre, à un moment donné, une voiture qui est à côté de vous, tout ce que vous entendez, c'est... Que des basses. C'est vulgaire. Quel délai, en plus, ces basses? Non, je sais. C'est une vulgarité. Vous savez, ma grand-mère a le même âge que vous. Pardon? 1929, son année de naissance, je trouve ça extraordinaire. Je me dis, mon Dieu. Et elle n'arrête pas non plus. Ouais. Et là, je me disais, je pense que ça doit être ça, le succès. Être capable d'être aussi en forme, ça veut dire que... et ma grand-mère est à la retraite depuis quelques années, mais je pense qu'elle joue mieux au golf que moi. Et c'est comme ça. Elle mesure à peu près 4 pieds 6. Ouais. Mais depuis elle, qu'elle... Elle est plus près de la balle. Depuis qu'elle... Mais depuis qu'elle est à retraite, elle n'a jamais été aussi occupée, ce qui fait que je ne la vois jamais. Et je me dis, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Parce que quand on regarde ce que vous faites, et là, évidemment, moi, je vous ai connu parce que j'écoutais les Simpsons, je vais être très honnête. Hein? Voilà. Et puis c'est là qu'on s'accroche à Béatrice Picard. Mais quand j'ai commencé à fouiller, je me suis dit, mais mon Dieu, moi, si je faisais ça, je ne serais pas capable de me lever le matin. J'aurais besoin d'au moins d'un 10 heures de sommeil. Il n'y a pas des matins, vous, où, à 85 ans, vous vous dites, ben, c'est assez. Je pense que je vais juste relaxer qu'un café pour mon journal. Oui, moi, je fais ça le matin, mais le secret, là, ouais. C'est que moi, dans ma chambre, le soleil se lève, mais je n'ai pas de stars, je n'ai pas de rideaux. Ah, mon Dieu! Alors, donc, le soleil me réveille, et mon Dieu, que ça fait du bien, c'est du bel lève. Mais oui, mais le soleil se lève à 5 heures le matin, hein? L'été. L'été, oui. L'hiver, je ne sais pas ce que ça fait, mais... Je me lève plus tard. Ah, c'est ça qui se passe. Je regardais vos prochains mois chez ouais. Ducep et vous me disiez tout à l'heure, avant le début de l'émission, que là, vous aviez la première, vous avez ouais. Les tests de... Non, mais c'est ça, on a eu les essais. Ouais, justement, hier soir, là, nous avions les tests de maquillage, on a essayé les costumes, mais tout n'est pas terminé encore parce que la technique, c'est très beau. C'est une belle pièce, finalement. Peter and Alice, oui. C'est l'histoire de... C'est un peu un Alice au Pays des Merveilles, mais dans le monde d'aujourd'hui. Oui, alors c'est Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. Mais ah, mon Dieu! Ce ne sont pas les deux. Ce sont les protagonistes qui ont inspiré les auteurs. Alice Hargreaves, okay. qui a inspiré Lewis Carroll, mm-hmm. et Peter Davis, qui a inspiré l'auteur Barry d'écrire la pièce... Peter Pan. Alors, donc voilà, ce que l'auteur s'est dit, qu'est-ce qui arriverait si les deux protagonistes qui ont inspiré ces auteurs-là se rencontraient? Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est ça, ben venez donc voir la pièce. Mais non, mais je sais bien, mais c'est quand même... Il faut donner un petit aperçu, là. Non, non, mais ce qui arrive, c'est que ces deux personnes-là, de quoi ils vont parler? Ils vont parler, qu'est-ce que ça leur a donné à eux d'être justement connu, mais pas nécessairement pour avoir fait quelque chose. Tout simplement, alors qu'ils étaient jeunes, ouais. On a inspiré des auteurs, mais qu'est-ce que ça a fait sur notre vie et comment on a réagi face aux difficultés de la vie? Donc, il y a des fois, il y en a qui ont le verre toujours à moitié plein, d'autres à moitié vide. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que vivre? C'est très, très important. Et, qu'est-ce que c'est que vivre? Vivre, ouais. C'est de trouver le temps de prendre... enfin, pour moi. Oui, oui, ben oui, mais ça s'abaisse. Il faut dire une chose, non? Parce que pour moi, vivre, c'est de profiter de chaque instant. Voyez-vous, je suis avec vous maintenant. Oui, est-ce que vous... Je me fous de ce qui se passe ailleurs. Je c'est suis vrai? Avec vous. Mon Dieu, c'est dommage le fun, alors, ça. Alors, c'est ça, hein? C'est le fun. Hein? Mais c'est ça, c'est parce que là, les gens, en général, ouais. Ils ne vivent pas l'instant présent. Je ils vivent sais, c'est l'instant dur, qui va arriver plus tard. Ou alors, les pessimistes, oh, c'est la journée d'hier qui n'était pas belle. Pourquoi ne pas vivre l'instant présent? Et c'est ça, vivre. Est-ce que vous en profitez de l'instant présent? Est-ce que vous avez du fun dans l'instant présent ou non? Bien, pour l'instant, j'ai du fun avec vous autres, oui, je comprends. Bien, on va avoir encore du fun pour le reste de la mission, je pense. Oui. OK, parfait. Je me disais, vous faites partie du CA du théâtre Jean Duceppe. Depuis combien de temps vous faites partie du CA de Jean Duceppe? Ah, pardon? Oh, bon, moi, ça fait, je ne sais pas, je ne sais plus compter, là, au moins 25, 30 ans. Ah, mon Dieu, ben c'est ans, ça. Voilà, je pense que vous n'étiez peut-être pas au monde. Et puis, je m'intéressais probablement pas au théâtre à ce moment-là. Non, mais ça, c'est clair. J'avoue que là, écoutez, il faut que je vous dise une chose, c'est que je fais ma rentrée au théâtre Jean Duceppe. Parce que la dernière pièce que j'ai jouée, c'était en 2006. Ça veut dire que c'est y a très longtemps, hein? Alors donc, j'avais l'habitude de jouer une pièce ou des fois deux pièces par année. Mais c'est, vous en parliez tantôt, j'étais avec le Théâtre Bluff, on est allé en Europe. Donc, j'ai joué cette pièce-là pendant 5 ans. Alors donc, évidemment, j'ai pas encore le don d'ubiquité. Ça va peut-être arriver à un moment donné. Ça s'en vient, à mon avis. Ça va. C'est ça qui manque à moi. À mon curriculum vitae. Ben, on a l'impression que vous l'avez le don, hein, parce que moi ce qui m'a marqué dans ce que vous faisiez ces temps-ci, c'est le film sur les zombies. Ça, je veux qu'on en parle. Je vais être très honnête. Vous voulez qu'on parle des zombies, puis moi, je voulais que vous parliez de la pièce. En tout cas, ah, ben, non, je ne vous en parlerai pas. Moi, je vais vous dire une chose. Venez donc nous voir chez Jean Duceppe. C'est le 11 que ça commence. Il y a des comédiens extraordinaires. Le metteur en scène a des idées vraiment superbes et... ça n'est pas toujours que de la discussion. Il y a le côté féerique aussi, à un moment donné, parce qu'on va revoir les auteurs, on va revoir Alice et Peter Pan, jeunes. Même moi, je vais essayer d'être Alice, jeune. Ah oui, vous allez... mon Dieu! Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais ouais, enfin, alors, c'est ça ce dont je voulais vous parler. C'est trop long de tout expliquer, mais je pense que c'était une pièce... ce que j'appelle une pièce intelligente. Ah, ça, c'est différent, c'était, hein? Non, mais c'est parce que des fois, on ne fait que raconter une histoire. Là, on raconte une histoire... mais en n'ayant pas peur d'aborder les thèmes de qu'est-ce que c'est que vieillir, que ça, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que ça... Mais ça va être c'est plate. Pas barbant. Ça c'est va pas être barbant. Ah non, ce sera non, pas plate. C'est là. Justement, okay. Au contraire, okay. Ça va être... comment je dis? Je trouve il n'y a pas de terme, là. C'est un petit... Ça va être un bon. Petit je ne sais quoi qui va faire que vous allez avoir le goût de dire à vos amis, va voir cette pièce-là. Ouais. Bon, alors, vous voulez parler des zombies? Non, mais je pense que Jean-Sébastien s'en peut plus, là. Mais, on en a parlé. Moi, j'étais juste curieux de vous entendre, Mme Picard, vous êtes sur le conseil d'administration de Jean Duceppe. Comment se passe le renouvellement des publics, particulièrement chez Jean Duceppe? On voit que, bon, on se promène dans certains théâtres, le TNM, qui est une vieille institution, mais on sent que la clientèle se renouvelle. Est-ce que c'est le cas chez Duceppe? On a l'impression qu'on a comme davantage une clientèle d'abonnés, peut-être plus une clientèle vieillissante. Comment on gère un petit peu Je pense que ça se renouvelle beaucoup. Oui. Depuis, depuis un bon une dizaine d'années, ça a commencé très, très lentement. Oui. Mais il y a même des matinées pour les jeunes où... il y a des soirées où les jeunes peuvent aller à moitié prix pour voir le spectacle et tout ça. Et on voit encore des têtes blanches, oui. Mais c'est correct. Ben, des têtes ouais, blondes ouais. aussi. est-ce qu'on s'adresse à eux de la Mais il y a beaucoup de qu'elle... jeunes qui viennent voir. Et ça se sent d'ailleurs dans la façon... Et c'est pour ça, c'est justement, en voilà une pièce là, Alice, ouais. Peter et Annelies, qui s'adresse particulièrement... à des jeunes. Ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte et après ça qu'on oublie. Mm-hmm. C'est quelque chose qui nous porte à réfléchir un petit peu avant. Et justement, c'est quand on est jeune qu'on a besoin de réfléchir. C'est quoi la vie? Qu'est-ce que c'est que de grandir? Qu'est-ce que c'est que de vieillir? C'est important, ça. Moi, j'ai l'impression que tous ces gens-là qui sont dans le public vont y aller. Hein. Ben, stresser, vous êtes tous des jeunes ben, ici, ouais. Puis moi, je vous invite tous à venir voir la pièce. Ils ne sont pas tous jeunes. Hein. Ils sont jeunes de cœur. Ah, c'est ça qui est important. Là, je sais que vous me trouvez bien tannant avec ça, mais je veux qu'on parle de zombies parce que je trouve ça le fun. Ouais. Non, mais quand même, un film de zombies au Québec, je trouve ça capoté. Comment ça se fait? Vous savez que c'est avec le premier film de zombies qu'il va y avoir au Québec. C'est extraordinaire. Ah. Mais moi, j'ai joué quand même une bande-annonce. Oui, dans le dans laquelle il y avait des zombies. Ben oui, c'est ça que je me dis, parce que dans la saison dernière des Gars des Vues à Télé-Québec, ouais. Vous vous battiez contre des zombies, ce qui est extraordinaire quand même. Est-ce que c'est ça qui a inspiré votre rôle dans le film de zombies que vous tournez non, en ce pas moment? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que moi, je ne suis pas du tout une zombie là-dedans. Ah non? Ah, pas du tout. Ben non, quoi. Ben là, je sais bien pas. Bien trop moi. Fine, bien trop intelligente. Ben non, ben vous faites mort par un zombie, ça se fait comme ça, hein. C'est scientifique. Non, non. Mais... non, mais vous jouez quoi dans ce film-là? Je fais Bon, mon Dieu, j'ai une vieille dame. Ah parce oui? Que là, est-ce, que c'est un rôle, est-ce que c'est un rôle de composition? Oh, ben, cette vieille dame, les gens s'adressent à moi. Là. Ah ben, mon Dieu, le monde est bête. Alors, je suis une vieille dame qui... parce que c'est une question, il y a eu un naufrage et il y a des gens qui vont... pas des pilleurs, mais ouais. Qui vont chercher ce qu'il y a dans les bateaux, dans les navires, qui font des collections avec ça. Et donc, on vient se renseigner... au sujet de ce bateau-là. Mais moi, j'étais trop jeune, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Donc, je parle un peu de ces choses-là. Et j'ai même un peu des artefacts que mon père, qui était le plongeur, m'avait donné. Quand un jour, ces artefacts disparaissent. C'est des zombies? Ah, on ne sait pas. Ah, ben là. Vous viendrez voir le film. Il faut tout le temps aller voir vos maudits shows, là. Pouvez-vous nous résumer une histoire? Voyons donc. Mais vous restez avec nous, hein? Mais, jusqu'à la fin de l'heure, je sais que vous êtes très occupé. Oui, oui, oui. OK, parfait. Parce que je pense que Jean-Sébastien a des petites surprises pour vous. Ah, oui. J'adore les surprises. Merci. J'espère qu'elles sont belles. Ben oui, c'est des très belles surprises. Merci beaucoup, Béatrice Picard. Ça m'a fait plaisir. Bienvenue, c'était dans ma business. Vous savez, à chaque semaine, Jean-Sébastien a sa petite besace et il doit nous la vider devant nous. Comme ça, il a des petites trouvailles. Oui, besace très pleine cette semaine. C'est vrai? J'ai beaucoup de choses. Tout d'abord, ce livre dont je vous ai parlé hier qui s'appelle « Lettres à Yves ». Oui. Alors, ce sont non pas des lettres adressées à Yves Bolduc, mais bien à Yves Saint-Laurent. Vous savez, hier, ceux qui étaient à l'écoute, on a fait un « Vu, pas vu » avec Olivier. Donc, Olivier n'a pas vu le film d'Yves Saint-Laurent. Moi, j'ai vu le film d'Yves Saint-Laurent. Et je vous ai dit que j'ai tellement aimé le film que je me suis précipité à la librairie par la suite pour obtenir d'autres documentations sur ce grand créateur. Et j'ai découvert donc cette toute petite plaquette. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Je vais juste faire un aparté. Oui. On est à la radio, Jean-Sébastien. Oui. Et Jean-Sébastien n'a pas le livre. Mais j'ai oublié le livre à la maison. Alors, il a pris un fascicule de l'usine C et sur lequel il a écrit « Lettre à Yves » de Pierre Berger. Jean-Sébastien comprend bien les rouages de la radio. Hein? C'est de la radio, Jean-Sébastien, ce n'est pas grave. Alors, voyez-vous? Alors, mais quand même, continuez sur « Lettre à Yves » de Pierre Berger. Voilà, donc Pierre Berger, qui était le compagnon de vie, compagnon d'affaires de Yves Saint-Laurent pendant toute sa vie. Toute petite plaquette, 100 pages, c'est écrit gros, vous allez aimer ça, Jean-Philippe. C'est paru chez Gallimard il y a 4 ans, et c'est une série de lettres que Pierre Berger a commencé à écrire au moment du décès d'Yves Saint-Laurent. C'est une façon pour lui de poursuivre le dialogue avec lui. Il le dit en entrevue également, c'est une façon un peu différente et originale de faire la biographie de Saint-Laurent. Vous allez voir, c'est très bien écrit, c'est touchant, c'est fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de délicatesse. On découvre aussi un autre Yves Saint-Laurent parce que dans le film, on voit les toutes premières années de la création. Dans le livre, on voit la fin qui est un peu moins agréable. Évidemment, on le sait, il était devenu un être aigri, alcoolique, cocaïnomane. Donc, c'est devenu un amour beaucoup plus difficile, mais qui est quand même demeuré indéflectible. Alors, lettre à Yves, comme vous l'avez ici. C'est publié chez Gallimard, voilà. Est-ce que vous allez l'avoir pour vrai un jour? Oui, mais en fait, je l'avais la semaine dernière. La vérité, je devais en parler, j'ai pas eu le temps. Je l'ai laissé ici, je l'ai perdu, en fait. Ah non! Oui. Alors, il y a quelqu'un du bar ici au Helm qui aurait volé les lettres à Yves. Oui, exactement. C'était écœurant. Maintenant, dans ma besace, j'ai ici le DVD de Symphorien, Jean-Philippe. Encore une fois, juste faire un aparté ici. Oui. Jean-Sébastien n'a pas le DVD de Symphorien, alors il me donne un autre DVD. Mais il y a encore une histoire vraie derrière ça. Bon. C'est ma mère qui l'a. OK, bon. Parce que la dernière fois que je suis allé chez ma mère, je suis allé avec le DVD de Symphorien. OK, et d'accord. On l'écoute ensemble. Alors, et là, il n'y a aucune ironie là-dedans. Je dois faire un coming out. Je suis un fan de Symphorien pour vrai. Alors, pour les plus jeunes, c'est quoi Symphorien? C'est quoi Symphorien? Symphorien, c'est une comédie de situation qui a fait fureur dans les années 70 à Télémétropole, qui mettait entre autres en vedette, évidemment, Madame Picard. Oh. Alors, en gros, ça se passait dans une maison de chambre qui était tenue par Juliette Huot. Il y avait un concierge, c'était Gilles Latulippe, et il y avait toute une galerie de personnages autour qui se mêlaient à ça. Évidemment, bon, on s'entend, c'est une comédie qui a vieilli un peu. C'est du Marcel Gamache, là. C'est pas du Labiche, c'est pas du Molière. Mais il y a quand même, pour vrai, aujourd'hui, un certain plaisir, un petit charme suranné à écouter ça. Il y a quelque chose de sympathique, de réconfortant à écouter. Un petit Symphorien, une fois de temps en temps, ça passe toujours bien. Et vous pourrez me dire, évidemment, Madame Picard, j'ai l'impression que une des raisons pour lesquelles ça a si bien fonctionné, c'était qu'au-delà des textes, au-delà des situations, il y avait une distribution hallucinantes de grands comédiens. Et vous avez créé des personnages hallucinants, des personnages très archétypés qui venaient un peu du vaudeville, qui ont vraiment marqué l'imaginaire. Des comédiens comme, évidemment, Jeanine Souto qui a créé Mademoiselle Espérance, ah. La vieille fille, qui au début devait être là pour quelques épisodes. Les gens en ont redemandé. Ils ont dit, on veut cette madame-là. Et vous, vous jouiez peut-être nous présenter votre personnage. Moi, je suis la mère d'Oscar Bellemare. Le grand Jean-Louis Millette. Mais oui, la mère de Jean-Louis Millette, c'est ça. Millette, voilà. Ah, ouais, qui était le fils à sa maman. Oui. Voilà. Et donc, elle, mère, était, elle avait beaucoup d'emprise sur lui, ouais. N'est-ce pas? Et elle était contre les fréquentations avec Berthe L'Espérance. Ah, mon Dieu! Vous ouais. Étiez dur avec... Comment ça finit? Est-ce qu'on finit ensemble, Berthe L'Espérance et Oscar Bellemare? Parce que je me suis jamais... Mais non, un auteur... Mais j'avais hein? Ça. Si on veut que ça dure pendant des années et des années, ouais. On le sait pas. Ouais. Mais vous étiez marié avec Dollar Tassé. À un moment donné... C'était qui, Dollar Tassé? Dollar Tassé. Oui, je me suis mariée avec un gars riche. Elle est devenue folle. Je l'ai. Non, c'était pas avec... Comment il s'appelait? Le monsieur qui est allé faire carrière dans les soaps américains, là. Ben oui, mais je sais pas. Alors, écrivez-nous si vous vous souvenez, c'est qui Dollar Tassé? Dollar Tassé qui était le mari de... Seigneur. Voilà. On est rendu là. Allez, Léo Rivet. Léo Rivet. Ben, oui, c'était Madame Picard. Oui, il y a trop longtemps, ça. C'était un millionnaire et il détestait les gens de l'Est. Alors voilà, il y avait 100 euros. Et je termine avec, là, j'ai véritablement l'objet. C'est le coffret 30. On en a beaucoup entendu parler cette semaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un coffret dont le but est de souligner le 30e anniversaire de la maison de disques Audiogramme. C'est un ouvrage très intéressant. 30 chansons, 30 artistes qui ont été importants dans le parcours de cette maison de disques-là. Des gens comme Michel Rivard, Zachary Richard, Ariane Moffat, Pierre Lapointe, etc., qui revisitent un de leurs succès, mais de façon beaucoup plus dépouillée que la version originale. Et ils avaient un défi à relever, en fait. Ils avaient droit à une seule prise. Ah, une prise c'est seulement. C'est ce qu'on nous dit. Okay, alors, d'accord. Je sais pas si ça a été respecté, mais ça semble être le cas. Évidemment, comme c'est le cas avec des compilations comme ça, c'est parfois inégal, mais il y a quand même quelque chose de très sympathique, chaleureux. On a l'impression d'être dans une espèce de partie de sous-sol avec ces artistes-là, de façon très à la bonne franquette. Vraiment sympathique. Et je vous en fais découvrir une. Ah, est-ce que je peux choisir? Ah, ben oui, allez-y. OK, j'aimerais savoir le feu sauvage de l'amour de Rock à Belles Oreilles. Ah, ça marche pas. Non, OK, c'est pas grave. OK, je vais en choisir une autre. J'aimerais ça peut-être avoir Poisson d'avril de Marc Derry. Ah. Non, bon, c'est pas grave. Je sais pas si on peut réagir. Mon Dieu, peut-être Car je t'aime de Paul Piché. Non. Ah, mon Dieu, c'est étonnant. Ensorcelé, Daniel Bélanger, que je joue toute la semaine. Vous savez, Jean-Philippe, que je regarde la minuterie, mais on n'est pas en avance. Ben oui, mais je vais tomber dessus à un moment donné. C'est parce que je mets mes préférés en ordre, là. T'es un seul homme de Pierre Lapointe? Non, alors je vais vous inviter à écouter Jean-Philippe, Damien Robitaille. Damien Robitaille, d'ailleurs, qui débute un spectacle solo ce mois-ci, qu'on a vu récemment dans un spectacle avec beaucoup d'attirail, beaucoup de gens sur scène. Mais là, il nous offre un spectacle solo. Ça débute à Granby. Vous pouvez aller le voir sur damienrobitaille.com. Et on écoute Homme autonome sur Ici FM. Écoutez, la soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui n'a aucune photo de ses bisounes sur ses ordinateurs. Ils payent du monde pour rediffuser des extraits de la radio de Québec. Ils me trouvent drôle, qui m'engage au lieu de passer des balles. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? Olivier Niquette, faites-nous le résumé là, de toutes les inepties qui se sont dites depuis hier. Ben oui, justement, aujourd'hui, je vais faire toute ma chronique sur le sujet de la semaine, la divulgation de photos de célébrités américaines tout nues par un pirate informatique. Ah. J'ai quand même été assez content des médias qui ont tous décrit relativement bien ce qu'est iCloud, un service qui synchronise vos données avec un serveur distant. Il y a juste Mario Dumont, en fait, qui croit à son public un peu nono et qui a toujours une métaphore pour leur expliquer la vie. Ils sont allés volontairement sur des sites de vedettes, de belles filles, en se disant ils ont peut-être des photos, quelque chose. Donc, ils sont allés volontairement aller rentrer dans ces portes-là. Exactement. Aller ouvrir, on pourrait appeler ça des tiroirs, aller ouvrir les tiroirs de ces personnes-là. Ils avaient mis leurs petites photos dans des petits tiroirs, puis là, le pirate a pris une petite clé pour ouvrir les petites portes. Et on se croirait à l'émission Octo-Logiciel avec Lise Payette en 85. François, si ce sont les modems qui transmettent l'information... Le logiciel de communication, lui, il sert à quoi? C'est lui qui supervise tout le travail des modems. Il leur indique quand et comment parler, quand et comment écouter, quoi dire, ou encore quoi faire avec l'information qu'ils entendent. Le logiciel joue donc un rôle très important. Un rôle essentiel, Lise. Oui, et dans le cas qui nous concerne, Lise, il y avait un pirate qui écoutait aussi, qui a dit au logiciel de faire une copie des photos cochonnes partout dans les tiroirs de l'Internet. Mais au-delà de l'aspect technique, là, il y a plusieurs façons d'aborder cette nouvelle. Certains, comme Richard Martineau, ont parlé de l'éthique d'aller voir les photos en question, puisque c'est un viol de l'intimité des jeunes filles, comme c'est le cas avec l'intimidation sur les réseaux sociaux. On voit ce qui arrive, ce qui est arrivé là, au cours des dernières heures, c'est-à-dire des vedettes qui se sont retrouvées, là, leurs photos d'elles toutes nues qui circulent partout. Donc, les étudiantes peuvent penser à envoyer une photo seulement qu'à une ou deux personnes. Puis là, soudainement, ça se retrouve partout dans les médias sociaux et ils deviennent victimes d'une meute là, qui leur court après. Eh oui, victime d'une meute. Et dans une meute, ça prend un chef de meute comme Richard Martineau. iCloud a été percé par des hackers et là, finalement, il y a plein de photos de vedettes tout nues qui circulent. J'ai hâte que l'émission soit terminée pour aller voir les photos de Jennifer Lawrence. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Sauf que Richard a probablement été déçu, comme d'autres qui n'ont pas eu de scrupules à aller voir les photos de l'actrice en question. C'est le cas de Dominique Moret de Radio X. Jennifer Lawrence, je m'excuse, là, elle passe sa rue, n'importe quelle rue, vous pouvez vous imaginer, elle passe sa rue où je la crois, je ne la reviens pas de bord, là. Puis on l'a vu flambant, là, c'est très ordinaire, là. Très ordinaire. Ça... D'ailleurs, son co-animateur Jean-Claude était tout aussi dur à l'endroit de l'actrice ou pas dur? Mais moi, rien de... J'ai pas été soufflé, là. Pas été soufflé du tout. J'ai pas eu un début de croquant, rien, là. Ça a bien été. Il faut quand même beaucoup de courage pour avouer avoir un problème de croquant en ondes. Bravo à Jean-Claude. Heureusement, il y a Sylvain Bouchard de Cogeco pour nous aider à faire un choix éthique. Selon lui, il ne faut pas exagérer et comparer les voyeurs à des violeurs, surtout qu'en plus... En plus, la fille, c'est son métier de nous exciter. Oui, dans le cas de certaines d'entre elles, il y en a que leur métier, c'est d'être actrice, là, mais il y en a d'autres que leur métier, c'est de ne pas être trop habillée. Kate Upton, c'est son métier. Elle gagne sa vie en nous excitant, nous autres les gars, avec des photos d'elle en bikini. Une fois qu'elle se ramasse, non pas par sa faute, mais par la faute d'un pirate nu partout sur la toile, moi, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà, c'est son métier de nous exciter, donc on peut la regarder toute nue. Mais là, je vais vous mettre en garde les gens. Là, même si c'est le métier de Sylvain Bouchard de provoquer, ça ne veut pas dire qu'on peut y sacrer un coup de poing d'en face si on le croise dans la rue, OK? OK! Mais au-delà des questions éthiques, il y a aussi des questions plus importantes pour lesquelles il vaut la peine d'ouvrir les lignes, comme l'a fait Denis Gravel de Radio X. Mais regarde, je vous pose la question un matin. Vous êtes un pirate informatique, vous avez le droit de hacker un cellulaire. Puis mettons qu'on se limite au Québec pour le fun, juste pour le fun, là, entre nous autres. Vous avez accès à un cellulaire québécois pour aller chercher des photos sur iCloud. Ça va être quel cellulaire? Bon, j'ai pas été game d'écouter la dite ligne ouverte, mais on va quand même écouter le choix de Denis. Là. Regarde, Marie-Mé, je la trouve belle, je la trouve sexy, mais il y a une part de moi qui se demande de quoi ce qu'a de l'air tout nu. Eh oui, je vous rappelle que ce gars-là a déjà dit qu'on faisait de la radio de cégep. Je vais finir avec une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes allé les voir les photos, les petits gars? Non. Non? Non, mais non. Je ne sais même pas au courant que ça circulait. Non. Je n'étais pas au courant. OK. C'est tout. C'est tout? Oui. Mais merci beaucoup, c'est Olivier. Assez, ben oui, ça suffisait. Merci beaucoup, Olivier. Vous, là, Béatrice Picard. Oui, moi, là. Avez-vous un téléphone cellulaire? Il est toujours fermé, mon téléphone cellulaire. C'est la bonne façon de faire. Merci beaucoup. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour Mme Picard? Oui, absolument. Des gens qui nous ont écrit par Twitter. Tout d'abord, Mme Lucie Desgagnés qui dit « Bonjour Mme Picard. Quand nous sommes vieux, nous n'avons plus beaucoup de modèles à la télé et à la radio. Vous entendre aujourd'hui, c'est une bouffée de fraîcheur et d'espoir. Et c'est signé une vieille dame de 90 ans. » C'est vrai, ça? Oui. Merci beaucoup, chère madame. À 90 ans, on n'est pas encore vieux. Vous savez qu'on va pouvoir vivre jusqu'à 120 ans. Hein? C'est quand on est vieux? C'est quand notre cœur devient vieux. Ah, comme Jean-Sébastien. Le cœur. Vous avez dit que votre rêve, c'était de jouer à 100 ans. Oui, et pas en chaise roulante, à part ça. Ah, hein? Ouais, non, hein? Non, ah, ben, c'est ça. Contrairement à Jeannine Dutau dans Belle-Sœur, qui est en chaise roulante. Ah, ouais, mais c'est parce que là, c'est autre chose. On n'est pas encore rendu à cette période. C'est son rôle. C'est son rôle. Je le sais. C'était son rôle. Il comprend rien. Arrêtez. Voilà. Un autre courriel qui va comme suit. Vous êtes qui, vous? Et c'est signé Oniquet. Franchement. Sinon, un courriel qui nous vient de M. Louis Grépiniche. et qui va comme suit. Au début des années 40, j'ai connu les parents de Béatrice Picard qui demeuraient sur la rue Bleury en face de l'église du Jésus. Ah, mon Dieu! Le mariage de mon frère Antonio avec Marianne Robert avait été célébré le 15 septembre 1941 et la réception d'usage avait eu lieu dans la maison des Picard. Mon Dieu! Cette année-là, je terminais mon cours classique à Terrebonne et j'avais eu la permission spéciale d'être de la fête, etc. Malheureusement, je n'ai pas le temps de terminer ce magnifique. Mais là, vous avez trouvé un vieil ami. Il a écrit pendant tout ce temps. Ben non, ça y a écrit un roman. Qu'est-ce que vous voulez? On le lira plus tard. Merci beaucoup, Béatrice Picard. On va vous voir chez Duceppe dès le 11 septembre pour la pièce Peter and Alice. Merci énormément. Ça a été un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci. On se revoit après les nouvelles, tout le monde. Pour la deuxième heure de la soirée est encore jeune en ce dimanche 7 septembre. Olivier, est-ce qu'on a des réponses à notre question du jour? Vous nous la rappelez, s'il vous plaît. On rappelle la question. Ouais. Allez-vous acheter le nouveau iPhone qui ne fitera pas dans vos poches? Alors, on a une réponse. Ça me semble une question biaisée. Oui, mais c'est constamment des questions biaisées. On marquera ça quand même. Hein? D'abord, il y a Hubert qui nous dit « C'est normal que les produits Apple grossissent. Les enfants qui travaillent dans les usines vieillissent et leurs mains grandissent. » Elle est quand même bonne. Ouais. Il y a Vincent aussi qui nous dit « J'ai déjà des nouvelles poches plus grandes de Levi's. Je vais le fitter sans problème. J'achète. » Et Fanny, pourquoi je voudrais qu'il soit dans ma poche? L'important, c'est de le tenir en tout temps pour montrer qu'on l'a. Ah, ça, c'est bien dit. Et je serai le premier à faire cette chose. Fred, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans l'actualité pendant l'heure qu'on est en onde puis on n'a pas pu regarder, là, Fred? Là, je me retourne vers vous parce que vous avez regardé votre ordinateur tout le long. Oui, mais côté actualité, non, mais au football américain, il y a les Dolphins de Miami qui ont battu les Patriots et on est très contents. Ah, il y a des gens qui crient, là. Ouais. Et les Cowboys de Dallas qui se font varlopé par les 49ers de San Francisco. Oh mon Dieu, il y a des gens qui applaudissent. Ouais. Je vois Michel Desautels dans le fond de la salle là, qui aime le football, oui. Ah, oh, mon Dieu. Mais comment ça se fait que c'est vous qui donnez les résultats de sport alors qu'Olivier fait les sports? Parce que dans les résultats, il n'y a pas d'extrait. Alors, Olivier, quand il n'y a pas d'extrait, il est un petit peu démuni, malheureusement. C'est ouais. ça qui se passe. Ouais, hein? ouais. Bon, mais sinon, un chien, c'est pour les enregistrer. Les faire jouer. Merci, Olivier. Vous penserez peut-être à ça. Vous savez, c'est le temps de recevoir qui? Hein? Notre chroniqueur politique a eu une autre semaine riche en inepties pour nourrir sa plume. Voici la chronique de Mathieu Charlebois! Yeah! Mathieu Charlebois, vous arrivez en même temps que mon Bloody Caesar. Ben je vous remercie énormément. Quelqu'un a échappé un céleri dans votre drink. Oui, c'est ça. Mathieu, qui est chroniqueur à l'actualité... Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Dites-moi tout. Grosse semaine, évidemment. Il n'y a jamais de petite semaine, en fait, d'ineptie. Ben, des fois. Et la semaine s'est ouverte avec la commission Charbonneau et le témoignage de Tony Accurso, un personnage au passé douteux dont le charisme, la présence animale et la bédaine sexy qu'il exhibe avec l'aplomb du mâle. C'est qui le comique qui a remplacé mon texte par une chronique de Denise Bombardier? Je suis désolé. C'est vraiment pas drôle. Bon, bref, Accurso est à la commission Charbonneau cette semaine et on lui a demandé de définir qu'est-ce que c'est pour lui un ami. Voici sa réponse. Ben, un ami, c'est plus qu'une bonne connaissance, c'est plus qu'une connaissance, c'est plus qu'un contact. Okay. Un ami, c'est comme en haut de tout ça. On peut diviser ça dans 5-6 différentes catégories, je pense. Bon, c'est un peu complexe, là, mais on comprend qu'il y a 5-6 niveaux à franchir avant d'être officiellement l'ami de Tony Accurso. Alors, dans l'ordre, ce serait bonne connaissance, connaissance, contact, contact assez proche pour lui emprunter sa perceuse, ouais. Presque ami, il te montre ses photos de vacances, ouais. Et finalement, ami de Tony, t'es sur ses photos de vacances. Parlant de photos, on a aussi vu la photo où Tony Accurso empoigne Jean Charest par le cou et est à deux doigts de lui faire une bine sur l'épaule et un pet sa bédaine. Et admettons que ça, comme le dit le PLQ, c'est le niveau vague connaissance. Je l'ai vu trois fois. Ouais, bon, ouais, ben ouais. Admettons que c'est ça. S'il est connu comme ça avec une vague connaissance, il fait quoi sur la photo quand t'es son ami? Et j'imagine que pour le savoir, il va falloir pirater son compte d'iCloud. Ben oui. Ça, c'est si on veut le savoir. Hey, ça, c'est niaiseux qu'on pense pas à faire ces choses-là. C'est vrai. Aussi cette semaine, il y a le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, qui a ouvert un site web, révisiondesprogrammes.quelquechose. Ouais. Un site web donc, où les citoyens peuvent envoyer des idées sur comment trouver 3,2 milliards de dollars. Ah, facile. Un président du Conseil du Trésor qui demande des commentaires d'internautes pour savoir quoi faire, c'est un peu comme un médecin qui irait googler tes symptômes sur doctissimo.fr. Je peux pas dire personnellement que ça me met en confiance. Mais bon, je suis allé lire les commentaires et en lisant ces commentaires-là... Vous êtes capable de faire ça? Je travaille pas toute la semaine. Non, mais moi, c'est sur mes nerfs. En fait, c'est pas le temps. C'est, en tout cas, ça vient de chercher. J'investis ça dans une chronique. Ah, ben, j'avoue. Alors, en lisant les commentaires laissés sur le site, on apprend que si le Québec est dans le trou, c'est la faute des commissions scolaires, des ministres en limousine et surtout des assistés sociaux. Ça revient dans vraiment 80% des commentaires. La foule en colère, torche, fourche et connexion Internet à la main veut qu'on coupe les maudits fraudeurs du BS. Ah, oui. Alors, on fait comme le TVA 22h ici et on sort une grosse calculatrice de sous son bureau. On veut couper. Tu sais quoi, vous pouvez faire comme Jean-Sébastien à vous. Faire un objet qui est faux pour nous faire croire que c'est une calculatrice. Alors, je vais faire le bruit. Donc, on sort... Hey, vous avez fait tomber votre iPad en même temps. Alors, on sort une grosse calculatrice de son bureau et on calcule. Bon, on veut couper 3,2 milliards. Mm-hmm. Le budget de l'aide sociale au complet, c'est 2,9 milliards. Mettons qu'il y a un BS sur 4, c'est quand même pas mal, qui est un fraudeur, bien, il resterait encore 2,5 milliards de dollars à trouver. Bien, ça s'en vient. Fait que... Je pense que si on veut régler la dette, penser qu'on peut régler la dette en coupant les BS qui fraudent, c'est un peu comme espérer payer son hypothèque de maison en roulant ses 500. Tu sais, j'espère que t'as un plan B. Sinon, parlant de plan B, il y a Bernard Drainville qui a présenté cette semaine Indépendance... Je m'ai pas fait, quand fait la blague, attendez. Bernard Drainville a présenté cette semaine Indépendance 2025, un plan où il promet un référendum en 2023 lors du deuxième mandat consécutif du PQ. Là, on sait plus trop s'il va être chef du PQ ou président d'un club optimiste. Un club même très optimiste. Alors, il faudra le surveiller la semaine prochaine, alors qu'il va annoncer son plan « Une fleur d'hélice dans l'espace pour une colonie lunaire québécoise en 2040 ». Et puisqu'on parle de plan, il y a aussi François Legault qui a proposé cette semaine un « New Deal » pour les régions. Un « New Deal » pareil comme celui de Roosevelt dans les années 1930. Pareil, sauf pour la partie où l'État finance des projets. Sauf aussi pour la partie où on injecte beaucoup d'argent public dans l'économie. Mais sauf aussi la partie où le gouvernement est vraiment interventionniste. Mais sinon, là, c'est vraiment, vraiment pareil. C'est comme copié, le New Deal. C'est copié. Oui, oui. Faut dire que le New Deal, c'était pas la première idée de Legault. Hein. Il a d'abord pensé faire un plan Marshall. Marshall? Un plan Marshall pour les régions. Oui. Mais ça aurait été compliqué d'avoir à les bombarder avant. Ça, ceux qui comprennent pas, Fred va vous l'expliquer la semaine prochaine. Ouais, c'est la deuxième guerre. Destruction, reconstruction. Voilà, c'est bien compliqué, ouais. Et en terminant, un petit détour par Ottawa. Ah, hein. S'il te plaît. On se souvient qu'il y a quelques semaines, Stephen Harper nous avait dit qu'il ne fallait pas voir un phénomène sociologique dans les disparitions de femmes autochtones. Hein. Il n'y a rien de social là-dedans. Au mieux, c'est peut-être juste que les femmes autochtones sont vraiment meilleures que les autres quand ils jouent à cachette. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas. Toujours est-il que cette semaine, Peter McKay a déclaré qu'à défaut d'une enquête publique sur les disparitions et les meurtres de femmes autochtones, il n'écarte pas l'idée de faire une table ronde. Même qu'il pense peut-être y inviter majoritairement des femmes disparues parce qu'il trouve qu'on ne les entend pas assez dans le débat. Au pire, si ça ne marche pas la table ronde, ben, il pense montrer son appui aux causes autochtones en portant un chandail des Redskins de Washington. On a bien, bien hâte. Merci beaucoup, Mathieu Charlebois. Toujours un plaisir. Yeah! Fred, je vous vois regarder le score du football. C'est combien pas maintenant? Tout. Pas du tout. Ah non? C'est 17-0. Ah oui? Pour pas d'équipe. Merci. Hey, pour ceux qui ont un peu de la nostalgie sur le bord de la gorge, on a créé une petite publicité de Rivago. Ah, vous la connaissez, celle-là? Hey. Mais avec un personnage qui va vous rappeler de bons moments. Il va en avoir plusieurs. Parce que Rivago, on les aime vraiment. Oui, tout à fait. Alors, on va marteler le clou. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Mais cette publicité-là, pour ceux qui nous suivent depuis le Spornographe, vous allez reconnaître un personnage qu'on aime bien. On écoute. Je veux aller à Laval. Je veux sortir toutes les soirs au Barbies Resto Bar Grill. Je veux une chambre spéciale, puis une vue sur le Colossus. Je veux trouver mon hôtel idéal, avec des grosses places de parking pour pas avoir trop à gosser pour me parquer en boisson en revenant de veiller. Puis pour réserver, je veux réserver au meilleur prix. Comment c'est possible? Oui, c'est Normand Leblond à Laval qui vous dit « Trip à go! » Ah, ce bon vieux Normand Leblond, quand même, hein? Ah, bon, oui. Vous l'avez entendu, c'est pas mal fini, là. Hey, notre deuxième invité, Fred Savard. On peut l'entendre à la radio, on pourra l'avoir dans deux émissions à Télé-Québec. Cet automne, accueillons la toujours dynamique Anaïs Favreau! Woo! Bonjour Anaïs Favron. Bonjour messieurs. Allô. Vous avez une belle voix. Je vais te tutoyer parce que je te connais trop. Ah oui? Oui, on est... Mais je suis pas voyable. Hein? Quand on me connaît, genre, ben, c'est tu peux grand... pas me vouvoyer. C'est ta grandeur qui aide pas. Ça fait ma personnalité louche. Hey, juste te dire, je sais que tu étais en nombre tous les matins à Énergie. Ouais? Tu vas voir, ici à Radio-Canada, il y a beaucoup de contenu et on se force pas pour rire. Alors, c'est un petit peu spécial. Non, mais... ça me fait plaisir. J'aime ça, voir la classe moyenne s'exprimer. là, j'ai... Mon Dieu, ça a été dur, celle-là. Je regardais ton parcours. Ouais. Parce que, bon, cette année, on vient de le dire, tu animes deux émissions à Télé-Québec. Deux émissions pour les jeunes. Ouais, une surtout pour les jeunes, l'autre, c'est plus familial. C'est pour tous. Les personnes âgées vont l'adorer. Ah, ben c'est ça. C'est l'émission sur les animaux. Ouais. On va le dire. Tu animes Le Dernier Passager, qui est un quiz pour les jeunes à Télé-Québec, qui est un peu un genre de... Au jeu? Rappelez-vous d'un jeu quand avec Serge ça peut ressembler à ça, avec un peu de double défi C'est la même énergie. Et je trouve qu'au jeu, Et franchement, ça pogne bien gros chez les jeunes. En tout cas, ils ont l'air bien énervés, les jeunes qui vont te voir à cette émission-là. Ils sont très, très, très hyperactifs. C'est des grosses journées de travail. C'est ça que je me dis. Oui. Et là, en janvier, ça va être 100% animal, qui est un tout nouveau bulletin de nouvelles animalières enrichissant, insolite et divertissant. Enrichissant, ils ont dit ça. Ben oui, c'est ça. J'espère que c'est ça que. Enfin, ben oui. Mais c'est quoi un bulletin de nouvelles animalières? Genre, il y a un feu dans un arbre parce qu'il y a une maison d'écureuils et on envoie un journaliste. Non. C'est tout ce qui se passe avec des animaux sur la planète. Arrête donc. Tu sais, par exemple, il va y avoir le petit bulletin des sports avec les exploits sportifs. Par des exemple, animaux? S'il y avait, par exemple, en Australie, des kangourous qui dépassaient leur clôture puis qui allaient sur l'autoroute puis qu'on avait des images, ben là, il y aurait un bulletin, tu comprends? Oui. Tu sais, des animaux, il y en a dans tous les pays. Puis chaque pays a ses propres animaux qui sont différents. Laisse-moi te parler du panda. Non, mais... ben, tu sais, des images sur les animaux, il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'après ça, nous autres, on prend ce qui nous intéresse, on les met dans un bulletin de nouvelles. Il va y avoir des photos de chats aussi, j'imagine. Il y en a beaucoup sur Facebook. Je crois pas. Ouais. C'est l'animal qui vient pas me chercher, moi. Ah, non, le chat! Non, il vient pas me chercher, puis s'il vient, je le kick. mais ça, c'est moi et mes allergies. Ah, c'est ça qui se passe. Mon Dieu, que t'es attachante. Et en remontant sur ton parcours, je me suis rappelé que tu as fait tes débuts à RDI Junior, Absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de RDI Junior? Parce qu'ils ont créé beaucoup de gens à RDI Junior. Ben moi, j'avais passé l'audition pour l'animer. Pour RDI Junior? Ouais, je ne l'ai pas eu. Ah mon Dieu, ça a détruit une carrière quand même, ça. Hein? Ouais. Vous n'avez pas la carrière que vous auriez pu avoir. Non. Mais est-ce que c'était cool, animer RDI Junior? C'était très cool. J'étais... c'est Jean-Sébastien. Il a fait un pet. Ben, je pense qu'il est jaloux. Mais oui. Non, c'était super un fun parce que... J'étais pas bien bonne. Ah non! Moi, j'avais bien du plaisir. Il est jaloux raide, parce qu'il n'a pas eu la job. Mais tu sais, c'est une job de journaliste. On faisait toute la recherche, l'écriture des textes, l'animation. J'aimais beaucoup ça. Ça prend du travail. C'est pour ça que vous ne l'avez pas eu, Jean-Sébastien. Ouais, c'est ça. Ça prenait de l'entre-genre. OK. Mais toujours est-il que tu as un peu été marquée avec cette étiquette-là d'animatrice pour enfants, je trouve. Et c'est comme Marie Ekel, c'est la même chose. Quand on pense à Anaïs Favron, je me dis RDI Junior. Jean-Sébastien, je sais que vous êtes très amer et votre amertume, votre amertume, vous la gardez pour vous. Êtes-vous en hypoglycémie, vous donc? Amenez-vous un jus d'orange. Mais je lisais quand même le texte d'Hugo Dumas suite au lancement de Télé-Québec. Et je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. Mais bon, Hugo disait justement que tu étais son coup de cœur. Et être le coup de cœur d'Hugo Dumas, ce n'est pas rien. Ouais. Et deuxième chose, il disait qu'il se demandait pourquoi tu n'animais que des émissions pour enfants ou presque. En fait, j'anime des émissions pour adultes aussi, mais peut-être qu'Hugo ne les regarde pas. Non, mais j'ai animé beaucoup d'émissions à Juste pour rire. J'ai entre autres fait 7 ans en route vers mon premier gala Juste pour rire. Ouais. Et ça, c'est pour adultes, hein? Parce que si on écoute ce que je dis, il n'y a pas d'enfants qui peuvent écouter ça. Okay. Faudrait que vous animiez des émissions américaines pour qu'Hugo s'y intéresse. Peut-être. Non, mais j'ai animé toutes sortes d'émissions avec Juste pour rire, surtout. J'ai collaboré à des émissions aussi. Mais en fait, lui, ce qu'il veut, c'est que j'ai une émission où je peux dire ce que je veux. Est-ce que ça s'en vient, ça? Écoute, il y a toujours des projets, hein? Mais que veux-tu? Que veux-tu, on peut pas toujours en parler. Il y a plusieurs coupures. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, là. Des fois, il y en a qui coupent de l'argent dans des postes de télé. Des fois, il y a des émissions qui sont supposées d'arriver puis qui arrivent jamais. Ça, c'est des écœurants, ça. D'ailleurs, ça me fait penser. On a fait un pilote ensemble. J'animais le pilote de l'émission On se moque, qui était un genre de quiz sur l'actualité pour Télé-Québec. Je veux pas. Ça fonctionne pas super bien, des quiz sur l'actualité à Télé-Québec. Honnêtement. Mais écoute, ça marchait très bien, cette émission-là. Les pilotes ont été super. Oui, l'émission devait se faire, puis finalement, a été reportée. Et on en a parlé dans les journaux, c'est Richard Thérien qui en parlait, et j'ai participé, et je dois dire que ça me faisait penser à un piment fort des années 2014. Oui, mais il y avait quelque chose de piment fort là-dedans, sauf le fond. Non, mais parce que c'est des gens qui s'amusent en équipe. En fait, ça ressemble aussi à la nouvelle émission que Stéphane Rousseau va faire à TVA, puis à une nouvelle émission du vendredi qu'Éric Salvaille fait à V. C'est comme dans l'air du temps, des espèces de gros jeux, sauf que nous autres, c'était sur l'actualité. Ah, c'est ça. Mm-hmm. C'est moins ça, l'actualité, je pense. Non, mais là, on parle depuis 5 minutes d'une émission qui ne verra jamais le jour. Mais peut-être qu'elle va voir le jour. À force d'en parler comme ça dans des émissions un peu partout, les gens vont faire, ben là, on veut le voir. On la veut, ben oui. J'ai l'impression que mon aile droite est complètement en mer. Je pense que ça manque de câlins dans ton émission. Gagne de gars ensemble, ça manque. Et je tiens à souligner. Oui. Et Mathieu Charlebois regarde son iPhone depuis tout à l'heure. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a là, mais on va parler des femmes en humour, Anaïs, parce que souvent, on se plaint à notre émission qu'on n'entend pas de voix féminine. Il n'y a pas de chroniqueuse féminine. Honnêtement, si ça n'avait pas été de Mathieu Charlebois, on a essayé de trouver une chroniqueuse politique féminine. On a vraiment essayé. Et le plus proche, ça a été Mathieu Charlebois. OK. Je comprends. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile de trouver des filles qui sont très, très drôles. Et Il y a Clémence, hein? Clémence Desrochers. Oui, bon. Mais il y en a plein de filles drôles. Mais justement, toi, t'as animé En route vers mon premier gala Juste pour rire. C'est, combien d'années, tu disais? 7 ans? 7 ans. Et ça veut dire qu'à chaque année... J'ai passé une audition pour... Non, c'est pas... Mais ça aurait pu, hein? Tout le monde peut venir. Pour animer, je pense. Non, t'en as vu beaucoup, toi, des humoristes, filles et gars, là-dedans. On en a écouté quelques-uns. Cette année, qui a gagné, c'est Catherine Levac. Ouais. Mm-hmm. Et sur 36, là, sois honnête, est-ce que sur 36, c'est 36 personnes qui ont un potentiel? Non. Non, mais tu veux que je sois honnête? Oui, ben oui. Oh, mon Dieu, on est en onde. Non. Mais puis après ça, il y a différents types d'humour. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui vont faire une carrière complète à faire des bars parce qu'ils ont un humour de bar. Puis il y en a d'autres qui vont faire plein de corporatifs. Vous n'avez pas idée de l'argent qu'on peut faire en humour en corporatif. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont s'en aller vers l'animation, que ce soit radio, télé. Il y a des gens qui vont écrire après ça parce que c'est plus simple après ça quand tu as des enfants. Parce que faire de la tournée dans les salles partout au Québec, c'est un mode de vie. Ça prend, oui, du talent pour être humoriste, mais il faut vouloir faire cette vie. Ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie, puis il faut être un peu tout seul avec deux techniciens dans une voiture à se promener d'un motel à l'autre. Ouais. Mais t'sais, ça peut être drôle 2-3 ans. Les techniciens, mais... c'est assez plate en général. Souvent, c'est souvent plate. Si t'as envie de parler de Donjons et Dragons, mais plus du rush, là. Là, c'est plate, mais notre technicien, c'est lui qui s'occupe de ton micro, Fred. Alors, c'est ça. Non, mais tu vas dire qu'il y en a plein des gens. Puis moi, par exemple, ceux que je vais aimer le plus, c'est pas nécessairement ceux qui vont voir les plus grosses carrières parce que je suis pas représentatif du plus grand public au Québec non plus. Puis c'est correct que chacun aille sa place. Ça serait plate si tout le monde avait ton même humour à toi? Mon même humour à moi, mais honnêtement, il est très drôle. Je veux pas voler de punch à personne. Oui, mais si vous étiez 15... Avoir le même humour? Mais oui. Mais non, je sais, j'aurais pas ma place. C'est même maudit, cette affaire-là. Il va avoir une huitième saison de ça? Pour le moment, oui, mais on pense à peut-être le faire aux 2 ans pour laisser la chance au bassin. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que tu fais un gala Juste pour rire, tu peux plus travailler sur en route vers mon premier gala, tu comprends? Ouais. Fait que là, il y a de plus en plus de jeunes qui font des galas, fait qu'on veut un peu laisser le temps à des nouveaux d'arriver. Parce que là, ça a été une grosse année. Très grosse. Avec Catherine Levac, avec la petite fille, là. Avec la petite fille. Fortin, là, la petite Valérie. Virginie, c'était Virginie. L'année d'avant. Ah, c'était l'année d'avant, mais ça? Oui, oh, popo. Puis Mehdi Boussarian. Mehdi, c'est cette année. Oui, qui était très drôle sur son numéro d'histoire de l'art. Allez voir ça sur YouTube, d'ailleurs. Il fait un numéro sur l'histoire de l'art. Un professeur, ça dure à peu près 5-10 minutes de grosse qualité, hein, parce que c'est du contenu qu'il faisait. Et c'est surprenant parce qu'on voit, comme tu disais, différents types d'humour. Et qu'est-ce qui a fait qu'une artiste ou une comédienne humoriste, en fait, comme Catherine Levac, gagne? Qu'est-ce qui fait qu'un humoriste passe à travers toutes ces étapes-là et finisse par remporter? C'est un concours, l'émission. Fait qu'il y a des juges qui ont gros bout du bâton. Fait que même pour la finale, c'est 30% du vote qui est les juges. Fait que pour plaire aux juges, ça prend originalité, bonne diction, machin. Tu sais, Puis d'une année à l'autre, il y a toujours des gens qui disent « Ah, mon Dieu, c'est lui qui aurait dû gagner, pas elle, pas lui. » Puis c'est pas grave. François Bellefeuille n'avait pas gagné son année, puis après ça, il a eu la plus belle carrière de tous les participants qu'on a eus en route. C'est un beau message continuer pour l'analyse. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un beau message pour Jean-Sébastien. Tu sais, des fois, hein, on a beaucoup, beaucoup de difficultés au début, puis ouais. On peut quand même terminer. As-tu lu Le Lièvre et la Tortue? Moi, je te le conseille. Ben, je pense que c'est un peu ça parce que c'est quand même moi qui est à Radio-Canada présentement. Oui. Ouais, ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, que j'ai gagné. Ah, mon Dieu. De ta radio. Merci, Mathieu. C'est tellement vrai. Parlons de radio, justement. Parlons d'énergie. Alors, évidemment, il ne faut pas faire trop de publicité à nos compétiteurs, mais on va en faire un peu pareil. Oui, vraiment, compétiteur? Le matin à Énergie, puis la fin de semaine à Radio-Canada, tu penses? Non, mais, mais le matin à Radio-Canada, par exemple. Ah, ouais. Il y a un show à Radio-Canada. Bon, le matin à Énergie, dès 5h30, du lundi au vendredi, alors on va se dépêcher parce que j'imagine que tu te couches bientôt, Anaïs. J'essaie, mais le dimanche, c'est dur. Ah oui? Oui, j'assume d'être scrap le lundi matin. Mais vous êtes bonne quand même. C'est pas ça qui est important. Dans votre équipe, vous avez ajouté cette année François Morancy. Oui, le connais-tu? Oui, je le connais, François Morancy. C'est un humoriste. Oui, oui, non, je sais. Et c'est cette idée-là de remplir les shows de radio, les émissions de radio privées d'humoristes. Et on a vu ça un peu partout et on voit ça pendant toute la programmation de toute la journée. Et c'est un ajout cette année, François Morancy. Mm-hmm. Pourquoi il s'est amené? Vous êtes quand même déjà 4-5 dans l'équipe. Ah non, on est 3 autour de la table, puis l'animateur principal est parti. C'était qui déjà? C'était Pierre Pagé. Ah oui, d'accord. Donc on avait un animateur, moi, et un humoriste. Oui. Et l'animateur est parti à une autre station, donc il a fallu le remplacer. Alors, on a cherché, il y avait 2-3 noms. Les deux autres n'étaient pas des humoristes. C'est pas nécessairement un humoriste, mais ça prend quelqu'un qui a des expériences en radio, qui est capable de tenir cette émission-là, c'est quand même assez dur à tenir une émission du matin, là, à toutes les 2-3 minutes, il y a une nouvelle affaire. C'est pas comme vous autres, vous jasez, c'est pas grave. Mais il faut présenter les chansons, dire l'heure, tout ouais, ça, oui, dire ben le oui. temps qu'il fait, tout ça. Là. Moi, j'ai 30. Mais j'ai entendu Merci, personne Fred. Faire la météo depuis que je suis arrivée ici. Ah, et pourtant, c'est parce que t'es arrivé trop tard. Ah, oui, j'ai fait la météo. Tu l'as fait pour vrai? Oui. Ah, oui. J'étais dans la lutte. Ouais. Mais au début de l'émission. Ah. Juste dire qu'il est encore 18h30. OK. Vous avez vu comment qu'on est, on est direct sur le morceau. Hein? Hey, puis d'ailleurs, non mais tu ris, Anaïs, hein, mais on fait même la circulation ici. Savez-vous ça? Non. Tu savais pas, hein? Non. Check bien. La circulation. Pas mal, hein? Alors, oui, mais on sait pas ce qui est bouché. C'est assez non, tranquille. Attendez, ça attendez, attendez un peu. Là. Ah, bon, OK, c'est ça. Mais toujours... c'est pas juste une temps, chanson. Autres, là, okay. Alors, il y a Sébastien Roy qui nous a écrit pour nous dire qu'à Napierville, sur la rue Boire, pas d'ivrogne au volant. Alors, les gens ont de l'humour quand même. Louisette Trahan, Rang Saint-Laurent à Milan, circulation fluide. Ça, c'est dans le coin de Mégantic. Milan, c'est pas en Italie. Patrick Saint-Pierre, circulation fluide à Chicoutimi. Assez étonnant. Ça, c'était à 17h26. Probablement que M. Tremblay fait des prières à Saint-Antoine-de-Padoue. Ouais. Et également, il y a J.C. Côté qui nous écrit, là, je sais pas, je peux le lire. Rassemblement louche dans le stationnement du bar de l'émotion sur la 132. C'est un bar des feuilleuses entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Louche parce que c'est fermé depuis que je suis en âge de comprendre le concept de fermé ouvert et parce que les messieurs ont des mulets, c'est-à-dire des coupes longueuil. Sinon, ça roule bien. C'est M. Côté qui nous a écrit ça. Alors, tu vois, Anaïs, on a une émission de service. Aïe, aïe. Aussi, et allô, il est maintenant, la pertinence. Puis attendez un peu, il y a aussi de la météo. Oui, puis il est 18h31. La météo. Je suis assez content. Tantôt, j'avais dit que les gens de Winnipeg et les gens de Toronto avaient fait du beau travail. Il n'y avait aucun nuage, seulement du soleil. Et ça a piqué au vif les gens de Fredericton parce que tantôt, il y avait des nuages. Et maintenant, c'est 20 degrés, soleil. Et Halifax, même chose, qui joint 17 degrés. Par contre, on se force, les gens d'Halifax. On monte ça à 20, s'il vous plaît. Il vous reste une demi-heure. Hey, c'est quand même pas mal. Hein? OK, ben, je vais me mettre une petite laine. Merci, Anaïs. Tu restes avec nous pour le reste de l'émission. S'il te plaît. Ben oui, avec plaisir. Voyons donc. Il y a des anniversaires cette semaine et Jean-Sébastien adore nous dire les anniversaires. Il est tellement festif. Demain, c'est l'anniversaire de Joël Legendre, Jean-Philippe. 48 ans déjà. On lui donne pas ça. Non, alors le signe du zodiaque de Joël Legendre est vierge. Son signe chinois est cheval, puisque son année de naissance est 1966. C'est la fête également de Joanne Beauchamp demain. Ah! Joanne Beauchamp, dite Jobocan. Ah! Mais là, c'est ça, c'était son vrai nom. Ah, c'est le fun! Vous souvenez-vous, d'ailleurs, RBO disait si elle s'appelait Joanne Brochu, elle s'appellerait Joanne Beaucu. Ouais. C'était dans une parodie de Adlib, de Jean-Pierre Coallier. Oui, exactement. Oui, mais tout le temps, c'est une très bonne idée de mon metteur en scène, René Richard Cyr. Voilà. Alors, le signe zodiaque de Mme Beauchamp est vierge et son signe chinois est le coq, puisqu'elle est née en 1957. Également, cette semaine, le 13 septembre, c'est l'anniversaire de Monique André Michaud. C'est qui, ça? C'est ma mère. Ah! C'est ton beignet. Bonne fête, maman. Bonne fête, Monique André. Son signe chinois, c'est? Son signe chinois, c'est le rat, puisqu'elle est née quelque part dans les années 1900. Vous voulez pas dire son âge, hein? Non, pauvre elle. Merci, Jean-Sébastien. Vous savez que tout ça, ça nous mène à notre quiz préféré. Déjà! Oui. C'est mon moment préféré de l'émission du dimanche. Franchement, parce que c'est là où est-ce qu'on peut jouer un petit quiz qui nous fait poser cette éternelle question. Coudonc, cette actrice-là, es-tu morte ou est vivante? Oh. Alors, on va jouer à notre quiz, mort ou vivant. Et petite note avant de se lancer dans ce quiz-là, évidemment, tout le monde joue. Là, je regarde Anaïs, tu joues, Mathieu également. Oh oui. Mais on a reçu une note parce que la semaine dernière, on a parlé de Fardoche et de quelques comédiens autour de ça. Et donc, ça va comme suit. C'est Richard Dufour qui nous écrit « Bonsoir les jeunes X et Y. Mon oncle Yvon Dufour n'est pas décédé en 1984, année du décès de son ami et comédien Pierre Dufresne. Yvon est par contre tombé malade et avec, il était déçu qu'en plus, avec un critique de cinéma et un passionné de télé sur le plateau, on n'a pas réussi à noter et à corriger ça, effectivement. Et c'est écrit « Vous savez, il y avait de la télé avant Passe-partout ». C'est signé Richard Fier Boomer Dufour. Alors, on va le noter. En fait, c'est que durant le même été, Fardoche est mort et le curé du temps d'une paix aussi a été remplacé. Mais là, on vient d'apprendre que c'était par une maladie. Mais dans notre souvenir, c'est parce qu'il était décédé aussi en même temps. Or, non. Ça, c'est, de, c'est de la vraie discussion de télé qu'on fait. Là. C'est du vrai stock. Alors, cette semaine, j'ai trois questions. Oh. On se pose la question, sont-ils morts ou vivants? Deux comédiens, je vous donne pour la troisième question, un synopsis de vieux téléroman et vous devez me nommer ce téléroman. Okay. J'espère que vous êtes prêts. Oui. On teste les buzzers, tout le monde. Olivier? Jean-Sébastien? Fred? Hey, hey. Mathieu? Anaïs? Anaïs. C'est le meilleur buzzer de la soirée. Alors, mort ou vivant? Pierre Colin. Hey, hey! Oh, c'est Fred qui répond en premier. Il est vivant. Ben oui, tout à fait. Ben vous rappelez, c'est qui Pierre Colin? Ben oui, absolument. Alors, il a joué récemment dans La Vie parfaite. Oui. Il a joué dans Unité 9. Mais si on remonte très loin, il a joué dans quoi? Il a joué dans une galaxie près de chez vous. Il fait l'espèce de sage, le gardien dans la prophétie. Là. C'est lui Mon qui Dieu. La grande prophétie. Oui, mais mieux que ça, il joue dans Unité 9. Ben oui, il joue dans Unité 9. Unité 9, c'est le vieux monsieur cochon, l'incestueux. Le pédo, on va le dire comme ça. Le pédo qui est mort à la fin de la première saison. D'ailleurs, c'est, sauf erreur, le frère de Frédéric Colin, cinéaste féministe des années 60-70, La Cuisine Rouge. Mon Dieu, vous avez vu cette culture-là? Oui, voilà. Il a joué dans La LNI aussi. Ben oui. Merci, oui. Alors là, 1-0 Fred Savard. Mathieu, lâchez votre téléphone. Je voulais savoir c'était qui Pierre Collin. Ah, ben, on ne savait pas c'est qui Pierre Collin. Tu es allé sur vos ondes. Oui, tout à fait. C'est excellent. Dans La Grande Séduction, vous avez tout à fait raison. Oui. Prochaine question. Mort ou vivant, Paul Hébert. Hey, hey! C'est Jean-Sébastien qui a fait le son en premier. Toujours vivant. Tout à fait. Oui. Dieu merci. Tout à fait. Et on le voit actuellement dans les reprises du Temps d'une paix. Ben oui, il jouait quel personnage dans le Temps d'une paix? Il faisait le père de Marie des Neiges. C'est le propriétaire de la série. En compétition avec... Mais son nom, son nom. Son nom. Le nom du personnage. C'est pas de Todor, quelque chose? Siméon Desrosiers! Oui! Siméon Desrosiers, bonne réponse! Oui. Ah, ça, wow, vous avez pas l'air si vieux que ça! Non, mais Jean-Sébastien, il est très vieux attends, en dedans. C'était quoi son patois? Crétac? Non. Ah, Baratabeur! Baratabeur! Il y avait toujours un trémolo dans le... Hey, Joseph Arthur, Baratabeur, tu viendras pas me niaiser sur ma terre, toi! Merci beaucoup. Vous êtes... Alors, c'est 1-1. Hein? Oui. Bon, là, il reste une troisième question pour vous départager, messieurs. Oui. Je vous donne le synopsis d'une série. Vous devez répondre le plus rapidement possible. Je commence. Watatata. Mathieu, vous êtes éliminé. Alors, c'est l'histoire d'une femme de 50 ans, de nature dynamique et joyeuse, veuve depuis... Oui. Dominique? Non, vous êtes éliminé, Jean-Sébastien. Anaïs, je vais y aller avec Marilyn. Oui, c'est Marilyn! Bravo. Anaïs, bravo! La meilleure mairesse que Montréal a jamais eue. C'est vrai. On se rappelle de ça. Elle fait le ménage, elle. Marilyn. Son vrai nom dans la série était Marinette Turgeon. Tout le monde l'appelait Marilyn. Oui, tout à fait. Pour subvenir aux besoins de ses petits-enfants que lui a confié sa fille avant d'aller chercher fortune en Californie. Il y avait Caroline Davernas qui était une des filles, d'ailleurs. Tout à fait. Mais oui, mais là, c'est 1-1. J'ai envie de vous poser une dernière question. Oui. mais je sais pas si je l'ai, en fait. Ah. Qui? Oui, je l'ai. Qui jouait le rôle de Marilyn? Alice? Vous êtes sot! Mais oui, c'est... mais, oui, mais je sais, mais c'est Jean-Sébastien qui répondait en premier. Vous avez gagné, Jean-Sébastien! Ah. Applaudissez, Jean-Sébastien! Vous êtes gagné quelque chose. Et que vous êtes bon, Jean-Sébastien. Je le sais. Je peux pas croire qu'ils l'ont pas pris pour RDI Junior. Il a regardé des vieilles émissions pendant des heures. Junior. Pour endormir les enfants. C'est le temps de s'instruire un peu, là. Histoire pour les Y. Avec le professeur Frédéric Savard. Alors, avant de vous éduquer... Oui, Anaïs, sache que Fred Savard nous fait l'histoire à chaque semaine. Et c'est pour nous, les Grecs. On ne va pas tout expliquer les concepts de l'émission. Elle a juste à écouter. Elle a juste à nous écouter. Ben ouais, franchement. Oui, je veux qu'elle se sente à l'aise. Il y a des gens... Non, mais je vais comprendre. Ben c'est oui. Ce qui va se passer. Oui, exactement. Ça s'en vient, là. C'est super. Alors, il y a trois personnes qui nous ont écrit récemment pour faire des petites corrections. J'aurais fait des erreurs, il paraît, dans l'histoire des Grecs. Il y a Martin qui, vous vous rappelez, la première semaine, j'avais fait la guerre 14-18, qui paraît-il, j'aurais fait trois erreurs factuelles. Trois erreurs? Vous avez 4 minutes de chronique. Sur l'Empire ottoman, les États-Unis et la Roumanie qui existaient déjà avant la guerre. Il y a Antoine Saint-Louis qui me dit, dans l'histoire de Tim Horton, j'ai parlé du jeu Gran Turismo, disant que c'était un jeu vulgaire pour les Grecs, et évidemment, c'était Grand Theft Auto. Ah, mon Dieu, il m'a corrigé. Et il y a Alexandre de Saint-Hyacinthe qui, encore une fois, en fait, avant d'entamer l'histoire de Tim Horton, j'avais dit que les Grecs avaient la capacité de concentration d'un opossum mâle de 6 ans. Eh bien, il paraît que les opossums ont une durée de vie de 3 ans. Ah, ben, ils ne vivent pas 6 ans. Note ça, Anaïs. Oui, ça peut être très intéressant pour ton J'aimerais vous dire que bulletin. Tout ça était voulu, évidemment. Ah, ouais. C'est des erreurs que j'ai mises sciemment pour attirer l'attention des Grecs. Et je suis content de voir qu'il y a des gens à la maison, des petits Grecs, là, qui suivent, franchement. Alors, cette semaine, merci, vous pouvez continuer à m'écrire. Donc, il va peut-être avoir des erreurs cette semaine ou non, mais sachez que s'il y en a, c'est voulu. Ah! Oh, ouais. C'est donc bien le fun, un concept tout à fait commode. Alors, cette semaine, je vous parle de Brian Mulroney. Hein. Les Grecs ont dû se dire, mon Dieu, Brian Mulroney, c'est qui ça? On sait qu'on en a parlé beaucoup cette semaine. Parce énormément. Il y a une biographie du journaliste Guy Gendron qui a été publiée, une biographie qui coïncidait avec les 30 ans d'accession au pouvoir de Brian Mulroney comme premier ministre du Canada. Alors, n'ayez crainte, cher Y, je sais que pour vous, la lecture d'un livre assez épais est une chose rebutante. C'est écrit petit, il n'y a pas beaucoup d'images et les pages ne sont pas tactiles et ça ne parle pas de vous. Mais je vais vous le lire à la place. Mais en fait, je n'ai pas eu le temps de le lire. Ben oui, je l'ai lu en diagonale, mais je connaissais déjà Brian Mulroney puisque c'est un petit peu de mon époque. Hey, mon Dieu, ça me semble être scientifique. Ouais. Ouais, tout à fait. Juste un petit mot, les Y, essayez de noter les erreurs. Je pense qu'il va en avoir une coupe. Ah, ça, vous allez être étonné. Alors, Brian Mulroney est né le 20 mars 1930. C'est peut-être pas vrai. À Bécomo. Alors ça, c'est en partant, c'est une belle histoire pour les gens qui vivent en région éloignée. Hein. C'est une belle preuve qu'on peut avoir une belle vie tout en étant né à 8 heures de char de Montréal. Et ça, franchement, on ne suspecte pas. Dès ses premières années universitaires, à l'âge de 16 ans, il devient membre du Parti progressiste conservateur, un parti qui n'a rien à voir avec le Parti conservateur d'aujourd'hui, qui n'a rien de progressiste, si ce n'est sa capacité hebdomadaire à régresser par en avant. Il entreprend les études de droit à l'Université Dalhousie en 59, qu'il terminera en 64 à l'Université Laval, à l'époque où Québec est encore une ville de campagne à la mentalité fermée sur elle-même, alors qu'aujourd'hui, Québec est une ville de campagne à la mentalité fermée sur elle-même. En 1964, il se joint à la firme d'avocats montréalaise Howard, Kate, Hoggley and Haas et s'installe à Montréal. En 1974, il devient une vedette médiatique alors qu'il est un des trois commissaires de la commission Clich, l'ancêtre de la commission Charbonneau, bien qu'à l'époque, on était beaucoup moins complaisant avec les caïds qui venaient témoigner, ce qui ne permettait pas à Denise Bombardier d'avoir des chaleurs comme avec Tony aujourd'hui. Mais il est beau, Tony. Ah, il est-tu beau. Toujours un militant actif au Parti progressiste conservateur, il se lance dans la course à la direction du parti en 76, l'année des Olympiques. Mais c'est Joe Clark, j'avais 5 ans à l'époque, c'est Joe Clark qui deviendra chef. En 83, le leadership de M. Clark est remis en question. Il doit démissionner pour les Y, qui n'aura aucune idée de qui est Joe Clark. On pourrait dire que c'est un peu comme si on mélangeait le charisme de John Tory et l'accent de Eugénie Bouchard. Bon, là, vous ne savez pas qui est John Tory, laissez faire et retournez jouer à Candy Crush de façon ironique. Brian Mulroney tente donc une nouvelle fois de devenir chef du parti. Cette fois-ci, ça fonctionne. Il fait son entrée à la Chambre des communes le 26 août 1983. Est-ce que c'est vrai, ça, au Fauvergne? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Okay, oui. Dans une circonscription des Maritimes. Lorsque le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau prend sa retraite en juin 1984, sous les applaudissements nourris de tous ceux qu'il déteste, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, le Parti libéral du Canada choisit John Turner comme chef. Là, pour les Y qui l'ignorent, ouais. Pierre-Éliott Trudeau n'est pas seulement un aéroport moribond. Non, hein? C'est aussi un ancien premier ministre canadien, père de Justin et surtout celui qui a poussé l'arrogance et la condescendance à des sommets insoupçonnés avant, bien sûr, l'arrivée de Xavier Dolan. Lors de l'élection générale de 1984, le parti de Mulroney remporte la plus forte majorité parlementaire de l'histoire canadienne, 211 sièges sur 282. Mon Dieu, c'est vrai? Question de toujours intéresser les Grecs qui doivent avoir décroché depuis 3 minutes hein. Déjà. Sachez qu'en 1984, c'est aussi l'année où Apple a lancé son Macintosh 128K. Ah, ça, hein? C'est beaucoup, 128. Oui, c'est beaucoup. Alors, une des priorités de Mulroney sera d'inclure le Québec dans la Constitution canadienne. Une priorité pour tous les fédéralistes de l'époque, alors qu'aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne, pas même les fédéralistes québécois qui, comme le suave Maxime Bernier, considèrent que le Québec est de facto dans la Constitution, même s'il ne l'a jamais signé, ce qui n'empêche pas des gens comme Maxime de devenir ministre. Chose qui échappe à la plus élémentaire loi de la physique, comment une masse avec autant d'inertie peut-elle s'élever si haut? C'est un mystère. Donc, 3 ans plus tard, Mulroney propose l'accord du lac Meech, une série d'amendements constitutionnels visant à satisfaire le Québec. Là, je ne rentrerai pas dans les détails de lac Meech. Ah, c'est une période fascinante. Ben non, êtes-vous malade? Mais Jean-François Lisée a écrit 2 bons livres là-dessus, Le Naufrageur et l'autre, c'était quoi? Donc, oui, Le Menteur. Non, c'est pas Le Menteur. Non, mais ça, c'est Bourassa. De Bourassa. Oui, ouais, mais c'est sûr, les accords du lac Meech. Peut-être que ça fera une histoire des Grecs un jour en 3 ou 4 tomes. Là, on étalera ça sur un mois et demi. On a du temps, hein, vous savez. Ouais, on a 82 émissions. Oui, je sais. C'est fou, ça. Hein? Ben, c'est 82. Non, mais c'est fou, on, là, ça, on se plaint, mais Anaïs, en fait combien par année des émissions, des centaines de milliers? Je les compte pas. Moi, je vais semaine à la semaine. Petite semaine. C'est combien? C'est 4 heures, vos émissions? 3h30. 3h30. Ah, 4 heures de musique? Ah! Alors, la réception... Il y a plus de pubs que de musique, je pense. Alors, la réception, pour en revenir un peu à Brian Mulroney, qui nous ennuie tous, on le sait très bien, mais il faut quand même que je finisse. La récession mondiale du début des années 90 contribua à empirer la situation financière du gouvernement et l'oblige à être créatif. Et que fait un gouvernement quand il a besoin de créatif et chercher de l'argent? Il crée la taxe et c'est M. Mulroney qui nous a donné la fameuse TPS. C'est lui. On a donc du fun à payer par-dessus la TVQ. Et là, ce qui va contribuer... Vous êtes agressif. Ah, ben oui. Alors, cette TPS va lui aliéner beaucoup de gens, dont les conservateurs de l'Ouest, qui constitueront le Reform Party éventuellement, qui va nous amener les conservateurs d'aujourd'hui. Alors, c'est une époque sombre. Mulroney, en bon conservateur, va également privatiser de nombreuses sociétés d'État. Après son arrivée au pouvoir en 84, 23 des 61 sociétés d'État seront vendues. On parle ici d'Air Canada, l'ECN et Pétro-Canada. L'histoire va lui donner raison. Hein. Le Canada est très riche depuis. On paye l'essence presque rien. Et Air Canada est la fierté de tous les Canadiens qui aiment payer cher en anglais et faire rire d'eux dans les deux langues quand ils voyagent. Et justement, parlant de morue, le déclin de leur population au milieu des années 90 va forcer le gouvernement à imposer un moratoire sur la pêche à la morue, ce qui va le rendre extrêmement impopulaire dans les maritimes. Il est à noter que les conservateurs sont encore impopulaires dans les maritimes à cause du moratoire sur l'assurance-emploi, alors que les morues, elles, sont revenues. C'est sous Mulroney que l'accord de libre-échange avec les États-Unis et qu'un accord sur les plus acides sera signé. Vous rappelez-vous des plus acides? Hey, ça, c'était la fin du monde. Hein? C'était le grand mot des années 80. Oui. On se rappelle, les plus acides détruisaient les arbres dans les années 80, ça. Alors que les plus acides dans les années 70 détruisaient les cerveau des hippies, qui devenaient aussi volubiles qu'un arbre. À partir de la fin des années 80, oui? C'est réglé les plus acides, c'est non, c'est pas réglé, mais il y a d'autres problèmes environnementaux qui se sont rajoutés par la suite. Le reste était tellement pire que c'est devenu banal. C'est plus acide de rien. On boirait des shooters de plus acide aujourd'hui. À partir de la fin des années 80, la popularité de Mulroney sera en chute libre. Il devra démissionner en février 93. Il sera remplacé par Kim Campbell. On se rappelle de Kim Campbell. Oui, vous savez, c'est la première femme et la seule à date. Oui, et qui s'est faite vraiment très, très torché aux élections. Les conservateurs sont tombés à 2 sièges. Pour dans tout le Canada. Ben oui, tout à fait, en 93. Elle avait battu Jean Charest, non? Non. Si ça n'avait pas été elle, ça n'aurait pas été Jean Charest. Ah, ça, mais oui, tout à fait. Et Jean Charest, par la suite, est revenu et un petit au peu... Au provincial. Non, non, il est resté au fédéral? Oui, il était chef. Il était chef du Parti un des 2 sièges, c'était Jean Charest. Oui, tout à fait. Il... Parce qu'il y avait juste 2 sièges, dont Jean Charest. Ah. Oui, c'est ça. Il a fait une tournée formidable dans tout le Canada pour reconstruire le parti. Et par ça a bien fonctionné. Et pourtant, le magazine L'Actualité a fait une que je trouvais extraordinaire avec Kim Campbell qui disait qu'elle allait ramener l'Ouest au pouvoir. Oh, ouais, non, oui. 3 mois après, elle existait plus. Non, mais c'est la pire défaite de l'histoire de l'Ouest. Vous l'avez fait votre blog de l'actualité, Mathieu? Oh, ouais. pour dire que c'est un magazine qui n'a aucune vision. En terminant, l'après-carrière de Mulroney sera marquée par les scandales des avions Airbus, alors qu'on découvre qu'il aurait accepté, puis il l'a avoué lui-même, il a accepté des enveloppes brunes, franchement. Mon Dieu, que c'est convenu. Des centaines de milliers de dollars de l'homme tout d'affaires. Tout le monde a fait ça. Canado-allemand, Karl-Heinz Schreiber. Et il a dit à l'époque qu'il manquait d'argent. Il fallait qu'il fasse vivre sa famille. Et qu'il vient d'acheter une maison de 1,6 million à Westmount. Ben, ça fait des hypothèques. C'est cher, assez, une maison. Mensuellement, c'est ça. Je sais pas si tu mets dans le maison, c'est très cher. Alors voilà, cher Y, c'était la fabuleuse épopée de Brian Mulroney. Vous pouvez maintenant vous réveiller. Mais là, vous n'avez pas donné ses dernières actualités. Il est président du conseil d'administration de Québecor. Oui, hein? Tout à fait. Oui, il est encore actif, le monsieur. Et c'est lui qui est en train de négocier le retour des Nordiques. Ça s'en vient, là, incessamment. Ah, oui, on est très, on le sent, là. Ah oui. Il a parlé à Brian, à Batman. Oui. Comment il s'appelle? Gary Batman. Alors, ça s'en vient. Mais merci beaucoup, Fred. Ça fait plaisir. Vous n'avez pas une chanson à nous faire jouer? J'ai une chanson, oui, un peu d'une certaine nostalgie. Bon, on cette a de la musique ici, politique, Anaïs. Ouais. C'est du Jimmy Hunt que j'aime beaucoup. Et pourquoi je vous propose du Jimmy Hunt, c'est que j'ai acheté mes billets cette semaine pour aller voir un spectacle le 19 septembre. Et je me suis dit, c'est intéressant de l'écouter parce qu'on n'entend pas beaucoup de Jimmy Hunt. C'est un artiste québécois très intéressant qui est assez moderne dans ses thématiques, mais musicalement, il y a un petit côté suranné. Musique pop, ça fin 70-80. Juste noter, ça fait deux fois qu'on utilise surannée dans cette émission-là. Ça aurait pu être pire, on aurait pu dire décalé. Et à Énergie, je ne pense pas qu'on utilise surannée deux Sauf fois si dans c'est le nom d'une chanteuse. Ah, ouais. Alors, on va écouter un petit peu de surannée avec Mary Libler. Whoopé! Mon Dieu, il fait beaucoup de sons de guitare, hein, votre Jimmy Hunt. Oui. C'est très bon. Anaïs, juste rappeler les deux députés conservateurs. Il y avait Jean Charest. On n'a pas trouvé l'autre. C'est qui l'autre, Mathieu Charlebois? Ben, je ne voulais pas que je sorte mon téléphone, fait que j'ai aucune idée. Ah, ça, c'est dommage. Toujours est-il que Anaïs nous racontait pendant la petite chanson. Mais je là. Parle trop dans les pauses, moi. Non, mais c'est intéressant, ça, parce que vous savez qu'on a, on a une fille ici qui a interviewé Jean Charest pendant sa course au leadership du Parti conservateur. Oui. Dans le cadre du concours Personnalité Jeunesse, ça se passait au Stade Olympique. J'étais élève au secondaire, puis je représentais la région de Montréal. C'est vrai. Et j'avais chaque jour à faire un nouveau défi. Tu sais, c'était organisé par Élections Canada, fallait faire. Tu sais, c'était juste pour promouvoir le vote chez les jeunes. C'était à l'époque où on pouvait promouvoir le vote chez les jeunes. Oui, c'est ça, dans l'espoir qu'on allait voter un jour. Parce qu'à l'époque, on était trop jeunes. Ouais. Je devais avoir 15-16 ans, puis j'ai fait une entrevue avec Jean Charest à l'époque. Très, très gentil, très généreux. Il était là avec les jeunes qui n'allaient même pas voter. C'est vrai. Mmh? Et est-ce que vous avez senti que cette homme-là allait dominer le Québec pendant plein d'années? Non. Ah, c'est ça qui arrive. Mais tu sais, je me posais pas ce genre de questions. Non, c'est ça qui arrive. Mais non. Ah, merci, Anaïs. Hey, c'est le temps des sports un peu. Il y en a dans votre émission Énergie des sports. Hein? Oui. Qui s'occupe de ça? Il s'appelle Martin Lemay. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, mon Dieu! Ben, chez nous, c'est Olivier Niquette qui s'en occupe. Oui. Mais d'abord, l'impact. Ça commence toujours fort, une phrase. Alors, l'impact. L'impact a laissé filer une avance hier. Ils ont perdu 3-2 contre le Dynamo de... Dynamo. De Houston, malgré un but de Nacho Piatti, qui est surnommé ainsi, vous vous en souvenez, parce qu'il a des oreilles en forme de nachos. En F1, c'est Lewis Hamilton qui a gagné le Grand Prix d'Italie devant son coéquipier Nico Rosberg. Ce qui est quand même le fun en F1, c'est qu'on a juste besoin d'apprendre ces deux noms-là. C'est toujours eux qui sont dans l'actualité. Je pense qu'on avait convenu hier qu'on ne voulait pas en parler. Ah non, je m'excuse. Bon, ben, retirez vos paroles. Continuez. Les Alouettes jouaient cet après-midi et ceux qui ont entendu des CF-18 au-dessus de Montréal, c'était pour le match des Alouettes. Et c'est si vrai? Vous avez entendu des CF-18 au-dessus de Bagotville, ça c'est pour la Troisième Guerre mondiale qui se prépare en Ukraine. En tout cas, 38-31, les Alouettes ont gagné, on leur souhaite bravo. Je le disais hier, c'était le lancement de la nouvelle programmation de TVA Sports cette semaine qui a obtenu les droits de la LNH et de quelques matchs du Canadien pour les prochaines années. Et pour l'occasion, ils ont fait des entrevues avec tous les membres de l'équipe, les Michel Bergeron, Éric Fichaud, Patrice Brisebois, Dave Morissette, etc. Mm. Et comme vous n'avez sûrement pas envie de vous taper tout ça, j'ai fait un petit montage qui résume pas mal ce qu'ils ont dit. J'ai hâte à la nouvelle saison. Puis on a bien hâte au 8 octobre, c'est certain. Hein, on a hâte, on est excités. On a bien hâte que ça décolle le 8 octobre. Moi, j'ai hâte. Ah ben, j'ai tellement hâte. Tout le monde a hâte. Voilà, tout le monde a hâte. Les anciens joueurs de hockey, il faut s'attendre à ce qu'ils répondent comme des joueurs de hockey. Définitivement, j'ai hâte, je pense que. En tout cas, c'est Félix Séguin et Patrick Lalime, deux anciens de RDS, comme à peu près tout le monde à TVA Sports, qui vont décrire les matchs. Et voici ce qu'il y avait à dire sur ce à quoi il faut s'attendre. Ce serait prétentieux de dire qu'on va révolutionner un match de hockey. Mais c'est plutôt l'enrobage, des façons différentes d'amener différents sujets qu'on va amener à nos téléspectateurs. Bon, là, j'espère que c'est pas la même équipe qui a fait l'enrobage du TVA Nouvelle qui a travaillé là-dessus, parce que je suis pas sûr que ça me tente de voir Michel Bergeron apporter une trappe à souris pour illustrer la trappe, ou Régent Tremblay apporter une liasse de billets de banque pour illustrer le contrat de Piqué-Subban. En tout cas, peut-être qu'ils vont utiliser la nouvelle technologie que veut mettre en place la LNH. Ouais. Marc-Antoine Godin en parlait dans la presse. Plus, hier, ils veulent mettre des puces sur les joueurs pour suivre tous leurs mouvements puis faire des petits dessins, analyser ça par la suite. Donc, on va pouvoir savoir c'est qui les saineux, c'est qui les joueurs qui ont peur d'aller dans les coins, ceux qui ne savent pas patiner de reculons, même si ça, on se doute pas mal que c'est René Bourque dans les trois cas. Ben, pour ceux qui suivent le hockey, c'était bien drôle. En passant, Canadien organise aussi un concours pour trouver quelqu'un pour chanter les hymnes nationaux. Ah. Parce qu'on a vu qu'avec Ginette Renault, ça n'a pas marché tant que ça l'année passée. Ils sont effoirés en demi-finale. Donc, si vous tripez sur le Canada, que vous chantez bien, ben, les détails sont sur le site de l'équipe. Et en passant, vous n'avez pas besoin d'avoir vécu un drame comme à la voix. Là, tous les fans de Canadiens vivent un drame depuis 1993. Je vais terminer avec un peu de golf maintenant. Ah, je vous en prie. La Coupe Pro-Am à Black Lake, Jacques Labbé et René Labrie qui se retrouveront en grande finale qui a lieu cette semaine. Ils ont remporté la troisième manche cette du tournoi. Cette semaine, c'est flou, le final. Oui, c'était pas clair non plus. Et, ils ont remporté la bourse de 50$ avec 5 coups d'avance devant Carl Carmoni. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir ça sur le site coupeproam.tv. Hey, mais mon Dieu, c'est tombé une information intéressante. Merci beaucoup, on a hâte d'aller voir ça. Alors, pendant que je m'ennuyais avec la chronique d'Olivier, je suis allé sur Internet parce que ça ne m'intéressait pas. Jean Charest et Elsie Wayne, mairesse de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, c'était les deux députés en 1993. Elsie Wayne. Bon, on la salue. Oui. On la salue. Merci beaucoup. Jean-Sébastien, avant de se quitter, est-ce que vous avez des questions pour Anaïs? Pas beaucoup. Je ne pense pas que les gens soient vraiment intéressés par... sinon, il y a des courriels haineux que j'ai pas envie de lire, nécessairement. Ça, c'est rare, absolument. Vous aimez les lire. Ouais, monsieur, là, ça serait malaisant pour rien. Sinon, parce que c'est très, très violent, là. OK, j'en sais pas. Bon, sinon, quelques courriels un peu plus neutres. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, qui s'appelle Jérôme L. Boucher, qui dit « Bonjour Anaïs, si le TVA 22h devait choisir un objet pour vous représenter, lequel ce serait? » Ah, quelle belle question qui demande une réponse. Ouais, si je me fie à ce qu'on me dit tout le temps, là, je mettrais une petite batterie. À cause de mon énergie. Ah, ça, c'est vrai. Vous avez tellement d'énergie. Parce que quand ça brise, ça fait beaucoup de dégâts. Ça coule partout, c'est vraiment chiant. Ouais, OK, continuez. Un autre courriel qui nous vient de Kevin Dion. Si vous deviez engager un seul membre de la soirée est encore jeune à votre émission matinale, lequel ce serait? Ça sera pas vous, en tout cas. Ben oui, ça serait toi. Ah, parce que tu me dis depuis le début, ça m'aiderait à me réveiller d'avoir un punching bag. Mais ça ferait un bon show de radio, Jean-Sébastien Girard et Anaïs Favron. Ouais? Ouais. Ça, vous savez, c'est quoi ça, hein? La Troisième Guerre mondiale? Non! On pourrait penser que c'est la Troisième Guerre mondiale, mais c'est la blague du jour, Jean-Sébastien. Voilà, alors la blague du jour, c'est une blonde qui s'en va s'acheter des souliers, Jean-Philippe. Ouais. Elle arrive à la caisse, le vendeur dit « Attention, madame, dans les prochains jours, ces souliers-là risquent de vous faire mal. » Elle dit « Pas grave, je vais les porter seulement la semaine prochaine. » Ah, c'est pas la meilleure. Mais ça fait deux jours que vous me dites ça. Ben oui, mais j'étais un peu déçu parce que la première était tellement drôle. On finit l'émission, on vient de passer un week-end de 4 heures avec les auditeurs. Vous nous laissez là-dessus, Jean-Sébastien. Ouais. Ben c'est très dommage. Alors merci beaucoup. Merci Mathieu Charlebois. On vous lit dans l'actualité, évidemment. On se revoit bientôt pour nous parler politique. Hein? J'espère. OK, génial. Anaïs, à Télé-Québec, le dernier passager en septembre. Mm-hmm. Ben, ça commence la semaine prochaine, en fait. Oui, ça commence le 12. Ah, le 12, ah, d'accord. Après ça, 100% animal. Ça commence en janvier. Ça commence en janvier. Et à Énergie tous les matins. Ah oui. Dès 5h30. Mm-hmm. Merci Anaïs d'être passée nous voir. Un plaisir, messieurs. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Vautier, Marie-Hélène Girard, Dominique Beaudoin, Philippe Roberge, Martine Hippolyte. Et on se revoit, nous, samedi prochain pour une soirée qui sera encore très, très jeune. Merci tout le monde! Bye.